est de retour pour démarrer une nouvelle journée avec vous. C'est Manu dans le 6-9. Soyez les bienvenus. On va écouter Offenbach dans deux minutes. Et tout de suite, c'est les infos. Toute l'actu avec Jean-Charles Gaucher. Salut Manu, bonjour à tous. C'est assez simple. Ce mercredi, la France est coupée en deux. Nuages et pluie, voire forte pluie en soirée pour la moitié nord. Du ciel bleu, beaucoup de soleil au sud. Ce sera sans doute un petit peu moins humide demain et après-demain, avant de se dégrader à nouveau ce week-end. Les températures ne bougent pas. Cet après-midi, il fera donc 10 degrés à Aurillac, 12 à Bayeux, jusqu'à 14 pour les maxi à Toulon. Un geste sur le carburant, quelques baisses de taxes. Les annonces d'Emmanuel Macron n'ont pas convaincu apparemment les gilets jaunes hier. Deux de leurs représentants étaient reçus au ministère de l'écologie dans la soirée. À la sortie, ils ont appelé à manifester samedi prochain sur les Champs-Elysées pour dénoncer une nouvelle fois la vie chère. Le programme sera d'ailleurs chargé ce week-end au niveau social. Après l'UNEF, la FAGE, le syndicat le plus représenté dans les facs françaises, appelle à son tour à manifester dans la capitale, mais aussi partout dans le pays. Ses représentants dénoncent l'explosion des frais d'inscription à l'université pour les étrangers, annoncé récemment. À l'étage inférieur, l'UNEL appelle aussi au blocage des lycées, cette fois vendredi, contre le manque de moyens. Une petite révolution dans le domaine de la prévention. À partir du 10 décembre, les préservatifs seront remboursés par la Sécu. Il suffira donc de se présenter à la pharmacie avec une ordonnance de son médecin pour retirer des capotes. 1,30€ la boîte de 6, prise en charge à 60% par l'assurance maladie. Le salon du livre jeunesse s'ouvre aujourd'hui en banlieue parisienne. C'est l'occasion de faire le point sur les habitudes de lecture des enfants jusqu'aux ados. Les ventes représentent environ 28% du marché de la littérature en France. Entre 10 et 12 ans, ce sont les BD qui restent de loin les plus populaires. D'ailleurs, cette année, on retrouve deux BD dans le top 3 des plus gros cartons, avec notamment le dernier Astérix. Le sport, le foot, l'OL est passé tout près de l'exploit. Lyon a mené deux fois contre Manchester City à domicile hier en Ligue des Champions. Au final, les deux équipes se sont quittées sur un bon 2 partout. Tout se jouera donc en Ukraine dans deux semaines pour les Lyonnais face à Donetsk. Il leur suffit d'un match nul pour se qualifier en 8e. Ce soir, Paris devra à tout prix s'imposer contre Liverpool pour rester maître de son destin. Le coup d'envoi sera donné à 21h avec Neymar et Mbappé de retour de blessure et donc titulaire en principe. Des idées plein la tête, toujours très créatif dans ses chansons, ses clips. Coldplay s'apprête à lancer un nouveau projet. Le groupe change de nom et devient Los Unidades, le temps d'un mini-album qui sortira vendredi. Un disque pour la bonne cause, puisque les bénéfices seront reversés à des associations qui luttent contre la pauvreté ou l'égalité entre les sexes. Pour l'égalité entre les sexes, le premier single Hello, enregistré avec Pharrell Williams, est déjà disponible. Et puis un peu de ciné aussi aujourd'hui, évidemment, les sorties principales comme chaque mercredi. Un film énergie, Robin des Bois, nouveau remake sur Le Prince des Voleurs avec Taron Egerton, Jamie Foxx et Jamie Norman. Il y a aussi Sauver ou Périr, Pierre Ninet métamorphosé dans le rôle d'un pompier accidenté. 6h02, c'est la fin de ce flash, mercredi 28 novembre. Bonne journée avec Manu dans le 6-9 sur Énergie. Salut les wawas. Salut. Bonjour Isabelle. On ouvre les yeux. Bonjour Paulette. Belle journée. Bonjour Glandieu. Pleine forme. Bonjour Nico. Bon week-end. Bonjour papa. J'allais dire, c'était le week-end. Et bonjour tout le monde. Ça commence. Nico, tu m'as volé ma voix. Oh merde, j'allais dire c'est le week-end. Je suis désolé, je tente. Oh, tu me l'as pris avant là. Ah oui, c'est mercredi, c'est le week-end qui commence. Ah bah oui. Vous traînez trop ensemble. C'est peut-être ça, je sais pas. Soyez les bienvenus dans ce mercredi. On est le 28 novembre 2018 et c'est une nouvelle journée qui s'offre à nous et on va en profiter tous ensemble. Les moments du matin sont là, vous êtes là avec nous. À tout moment, vous pouvez venir, je vous le rappelle, on a un numéro de téléphone, c'est gratuit, c'est le 0870 42 48. Il y a les réseaux sociaux aussi, évidemment, il y a Twitter, il y a Facebook. Et l'application Manu dans le 6-9. Vous pouvez la télécharger, elle est gratuite et vous pouvez nous envoyer des messages vocaux à tout moment, pendant l'émission, n'importe quand. Vous avez envie de réagir, vous avez envie de dire quelque chose, et ben vous y allez. L'application, vous appuyez sur le petit icône du micro. Ouais. Vous dites ce que vous voulez, vous relâchez, ça part et on vous écoute pendant toute l'émission. Yes. Les concours du jour, ça c'est important. Ah. Des gens improbables qui font des choses improbables. Je vais vous raconter trois histoires, ça se passera dans moins de 10 minutes et vous pourrez vous dire. Ouh, ma journée commence bien. Qu'avez-vous envie de partager pour démarrer cette journée, les amis, avec nous, Paulette? Une étude dans le magazine Biba, que je lisais hier tranquillement dans le cabinet du médecin. Pendant que nous, on bossait. Voilà. m'a révélé hier que j'avais une maladie. Quoi? Voilà. Ouais. Hein? Une nouvelle maladie? Une nouvelle. Parce que je rappelle que si c'était ton rendez-vous chez le médecin pour le sommeil. Ouais. Parce que a priori, Paulette a un petit souci. Enfin, on sait qu'elle a un petit souci avec le sommeil. Si vous êtes là aux alentours de 9h, tout à l'heure. Restez bien avec nous parce que il va y avoir une révélation sur Paulette. On va savoir. Parce que le médecin du sommeil que Paulette a vu lui a annoncé quelque chose et on l'aura au téléphone tout à l'heure. Ah ouais, ça avance, ça recule, moi je dirais. Okay. Donc, pendant que tu étais chez le médecin, tu t'es rendu compte en lisant un magazine que tu avais une autre maladie. Je suis. Tu es pourri de l'intérieur, quoi. Oh, ça fait beau. Sauf ton respect. Hein. Je suis phobo. Phobo. Ouais. En fait, c'est le fait d'être paniqué à l'idée d'avoir plusieurs choix. De devoir choisir entre 2, 3, 4 choses. Et ça me panique. Tu vois, par exemple, j'arrive quand je suis au resto et que je dois choisir et que le serveur arrive, je suis en panique parce que je voudrais tout et en même temps tu rien. Tu sais quoi ce que c'est ta maladie? C'est quoi? Je la connais. C'est quoi? J'ai un pote comme ça. Et il a été voir quelqu'un. Ouais. Enfin, le quelqu'un, en fait, c'est nous, c'est ses potes. Ouais. On s'est réunis on a trouvé. C'est chiant. Ah oui, le mot technique, c'est ça. Tu es chiante. Ouais. Non, mais Manu. Mais je t'aime, hein. Mais à force de nous dire que t'as une maladie parce que t'arrives en retard parce que t'es malade, tu mets toujours 1000 ans à faire tes choix parce que t'es malade, c'est quand même merde. Non, mais quoi. Surtout que tu dis que tu galères à faire des choix, je suis désolé, entre travail et sieste, le choix il est vite fait. Hein. Ouais. Là, tu galères s'impose pas. Mais non, parce qu'elle est malade, elle a besoin de dormir trop. Oui. Franchement, et tu sais quoi, on devrait nous filer des médailles pour être avec toi. C'est fou, quoi. Mais vous êtes dur, enfin, ça se trouve, elle a vraiment deux petites maladies là dont il faut s'occuper. Mais sa maladie, tu sais quoi, sa maladie, c'est sa vie. Et puis si t'es paniqué, tu le caches très bien en tout cas. Franchement, t'as pas l'air paniqué au quotidien. T'as l'air plutôt cool, quoi. Bah, j'arrive pas à choisir, quoi. J'ai un petit moment de panique qui s'estompe assez rapidement. Voilà. Mais non, mais en fait, Paulette, tu sais quoi? Tu vois, quand on dit on a un caillou dans la chaussure, ça nous ralentit. Ouais. Toi, en fait, c'est un énorme rocher que tu nous as mis dans la chaussure. Oui, mais vous le gardez avec vous. Mais oui, c'est ça, on te traîne. Ouais. Toi, même Jésus, quand il a porté sa croix, il se dirait putain, heureusement que j'ai pas Paulette. Mais sois bienvenue avec nous. Ouais. 6h07 dans 3 minutes. J'allais dire, il y a pire que nous, mais là, non. Mais quand même, les concours du jour arrivent, des gens improbables qui font des choses improbables. Je vous raconte 3 histoires qui vont vous dire oh, ma journée démarre bien, moi. C'est juste après un fun back sur NRJ. Sur NRJ, on va écouter DJ Snake et puis on va écouter les messages vocaux que vous nous envoyez sur l'application Manu dans le 6-9. J'en parlais tout à l'heure, il y en a plein. Ouais. On va se les écouter, ce sera juste après DJ Snake. Mais avant ça, c'est parti pour 3 histoires de gens improbables qui font des choses improbables. C'est les concours du jour. On démarre en Floride, aux États-Unis. La police reçoit un appel d'un voisin qui entend dans l'appartement d'à côté un couple crier C'est mon arme, donne-la-moi. Oh. Il entend aussi, s'il te plaît, ne me tue pas. Oh. Oh là là. La police arrive, évidemment. Ouais. Elle ouvre la porte et là, elle tombe sur un couple, pas du tout en danger. Ah. Mais complètement à fond sur le jeu vidéo Call of Duty. Mais non. Ouais. Oh. Donc les policiers leur ont juste demandé de faire un peu moins de bruit du coup. Bah ouais. C'est la même technique que mon cousin utilise. Il met des films un peu hot, très fort, pour faire croire à ses voisins que. Ah ouais. Oh non. C'est ouais, mais mon cousin, il est grave. Ouais. Ouais. Mon cousin. Alors, on enchaîne. Dans le Val-de-Marne, en France, 150 appartements d'une résidence vont devoir changer leur serrure. Wow. Écoutez la raison. La société chargée de poser les serrures a en fait mis le même modèle sur toutes les portes. Oh, c'est-à-dire qu'il est possible d'ouvrir toutes les portes des 150 appartements avec une seule et même clé. Oh, mais non. Alors c'est même pas la société qui s'en est aperçue, c'est un habitant qui devait arroser les plantes de sa voisine qui, en se trompant, met sa propre clé dans la porte. Fait, putain, ça ouvre. Ouais, incroyable. C'est quand même bizarre. Il se dit, tiens, la porte d'après, oh putain, ça ouvre aussi. Ouais. Donc il commence à prévenir une personne, deux personnes, et tout le monde a commencé à ouvrir toutes les portes de tout le monde. Ouais. La société va tout changer à ses frais. Il y a un mec qui était responsable de ça. Hein. Il avait un truc à faire, le mec. C'est ça. Acheter 150 clés différentes. Ouais. Non, l'employé du mois. Dernier concours du jour, ça se passe à Saint-Maur-des-Fossés, c'est en France. Une demandeuse d'emploi a reçu hier de Pôle emploi une proposition pour devenir conductrice de train parce que la SNCF recrute. Mmh. Ah, on peut se dire génial. Ouais. Sauf que la demandeuse en question est non-voyante. Ah. Mais non. Voilà. Oh là là. Oh les gars. Alors elle explique en plus que c'est pas la première fois. Il y a quelques semaines, Pôle emploi lui a proposé un poste d'agent de sécurité avec un chien. Oh, non. Heureusement qu'elle a pas accepté pour le challenge, tu vois. Nouvelle expérience. J'espère qu'Air France ne recrute pas. Hein. 6h11, on revient tout de suite. DJ Snake. Et Selena Gomez, c'est dans 3 minutes sur Énergie. Manu dans le 6-9. Entrez dans la danse. C'est Manu et c'est Wawa. Le délire commence. Écoutez Énergie. Énergie. Help me. It's like the walls are caving in. Sometimes I feel like giving up, but I just can't. It isn't in my blood. Laying on the bathroom floor, feeling nothing. I'm overwhelmed and insecure. Give me something I could take to ease my mind slowly. Just have a drink and you'll feel better. Just take her home and you'll feel better. Keep telling me that it gets better. Does it ever? Help me. It's like the walls are caving in. Sometimes I feel like giving up, but I just can't. It isn't in my blood. It isn't in my blood. I'm looking through my phone again, feeling anxious. Afraid to be alone again, I hate this. I'm trying to find a way to chill. Can't breathe, oh. Is there somebody who could help me? It's like the walls are caving in. Sometimes I feel like giving up, but I just can't. It isn't in my blood. It's like the walls are caving in. Sometimes I feel like giving up, but I just can't. guys, it's Selena Gomez. Et maintenant, c'est Manu dans le 6-9 sur Énergie. 6h15, dans 3 minutes, juste après DJ Snake et Selena Gomez, on va lire les messages que vous laissez sur les réseaux sociaux et on va écouter les messages vocaux que vous nous envoyez sur l'application Manu dans le 6-9. C'est Nico du web qui s'en occupe. Et j'ai pour vous l'imitation la plus nulle du monde. Youhou! Youhou! Mais oui, c'est dans 3 minutes. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki taki, taki taki rumba. You need to beat it. If the text ain't freaky, I don't wanna read it. And just to let you know, this Kanani is undefeated. Ay, he said he really wanna see me more. I said we should have a date where at the Lamborghini store. I'm kinda scary, hard to read. I'm like a Ouija board, but I'm a boss bitch. Who you gonna leave me for? You just got no class, you bitches is broke still. I be talking cash shit while I'm popping my gold grill. I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still. The love be so fake, but the hate be so real. El booty sobresale de mi traje, no traje panticito. Que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes. Dice que no quiere, pero se quiere comer el equipaje. Báilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki, taki, taki, taki, rumba. Could keep it tight every day. And I know you need a taste. Now, ooh, I'm falling in love. Give a little ooh, ooh, get it well done. Dance on my ooh, make a girl wanna run. We keep moving till the sun come up. Okay, I am the party. It's a fiesta. Blow out your candles and have a siesta. We can try, but don't know what can stop me. What my talkie talkie wants, get my talkie talkie gives. Báilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki, taki, taki, taki, rumba. Bon réveil sur Énergie. On va s'écouter Jane. You're aussi the Prince Karma avec Later Bitches. Later Bitches. Later Bitches. Ça arrive pour vous, mais avant ça, on va lire les messages que vous nous envoyez sur les réseaux sociaux, sur notre page Facebook, sur Twitter avec le hashtag Manu dans le 6-9. Mmh. Et puis aussi les messages vocaux que vous envoyez sur l'application Manu dans le 6-9. Nico lit tout, Nico écoute tout et Nico partage tout. Hier à la même heure, on a répondu à cette question. Quelle est la chose la plus difficile que vous ayez faite dans votre vie? Effectivement, nous l'avons fait hier à la même heure. Et sur Facebook, il y a Ninou qui dit: je mesure 1m58 et j'ai repeint le plafond de mon salon toute seule. Wow. Ah, c'est frère, ça. Elle nous dit pas en combien de temps. Après, je pense qu'elle avait une échelle. Parce que sinon, à 1m58, t'es obligé de sauter très haut pour claquer d'un coup. Ouais. Et tu mets beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. C'est ça. Sur Twitter, il y a Seb aussi qui nous dit: j'ai réussi à mettre mon poing en entier dans ma bouche. C'est difficile, ça. J'ai une question. Ouais. Pourquoi? Ouais. C'est clair. En société. Vous avez jamais essayé ça? Moi, j'ai déjà essayé. J'ai failli m'étouffer. C'est très, très dur. Vas-y, essaye encore. Mmh. Tu veux essayer là? Ouais, c'est dur. Mais ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Si, moi, mon père, quand j'étais petite, il le faisait, il disait: oh, j'ai mangé ma main. J'avais peur, et puis du coup, il l'a ressorti. Ah, bah, ce moment-là, il va jusqu'au bout, il mange sa main. Donc, quelle est la chose la plus difficile que vous ayez faite dans votre vie? Il y a Romain qui nous dit: j'ai appris à cracher du feu. J'ai fait. Ouais, ça, c'est. J'ai appris à cracher du feu. J'avais pris des cours avec un mec qui m'avait vraiment appris, et j'avais réussi, quoi. Et je me demande toujours comment on fait avec cet alcool-là, pour pas le boire et tout ça. Ouais, tu sais, c'est dangereux. Alors pour le coup, c'est vraiment dangereux. Ouais, faut faire assez attention. J'ai effectivement risqué ma vie. Ouais, mais ah ouais, ouais, faut être mais hyper fort. Hein, ouais, faut être fort. Mais tu sais, je suis avant tout un être humain. Hein. C'est rien du tout. Bah, t'inquiète pas. Mais... Okay, ouais, oui, une question dans le public. Oui, Glandu, quel magazine? Oui, c'est Picsou Magazine. Oui, on vous écoute. Combien de temps de formation à peu près pour arriver à cet exploit? 3 semaines. 3 semaines? Ouais, 3 semaines de formation, ouais, effectivement. Ouais, ouais, à plein temps, effectivement, pour réussir à avoir vraiment une flamme parfaite et impressionnante. Oh, c'est bien. Ouais. Oui, madame, oui, vous êtes. Je vous crois pas, magazine. Je vous crois pas, magazine. Tu me crois pas que je sais cracher du feu? Bah, non, j'ai jamais vu. Ok, tu paries combien? J'ai une preuve, hein, donc. Ouais. Oh mince. Ah ouais. Bon ben je parie 2 euros. Oh là, 2 euros. Attends, c'est nul. Il s'effondre. Bah, oh. Bah non mais je te crois pas. Tu fais des grandes flammes comme un dragon. Oui non. Bon tu me crois pas. Si. Ok, pour 2 euros. Pour 2 euros, c'est pas grave, c'est toujours ça. Et en fait c'est un défi qu'on s'était lancé il y a, je sais pas, 6-7 ans. Ouais. Au début sur, quand on est arrivé sur l'énergie, on devait tous réussir à faire quelque chose qu'on n'avait jamais fait. Ah. Et j'avais dit, je sais pas cracher du feu, je vais le faire. On va vous retrouver la vidéo et on va la mettre sur notre page Facebook. Je l'ai. Et voilà, tu me crois pas, tu me dois 2 euros. Je vais voir. Oui, il y a des messages vocaux aussi qu'on reçoit sur l'application Manu 69. Oui, tu crois pas ça aussi, Paulette ou... c'est ça, j'y crois, j'ai capté que ça marchait. Bah, Paulette, justement, on reste avec toi. Paulette a un petit souci de sommeil, on le rappelle. Oui, bah, disons que, en fait, Paulette dort 12 heures par nuit. Ouais. Entre la sieste et la nuit. Et Paulette, donc, c'est un gros problème. On a eu un médecin du sommeil qui nous a dit peut-être qu'il y avait un souci. Ouais. Paulette a eu rendez-vous hier et effectivement, apparemment, il y a un souci. On l'aura au téléphone tout à l'heure à 9h. Ouais. Ouais. Bah, écoute bien, Paulette, parce qu'il y a Soulinx qui a une solution pour toi, parce que lui, bah, il connaît bien le problème. Coucou les Wawin, coucou Manu. Bah écoutez, moi j'ai ma copine qui a le même problème que Paulette et du coup, bah moi je suis un gamer. Du coup, quand elle pionce, je joue. Voilà la solution pour Paulette, sortir avec un gamer. C'est pas mal parce, parce que moi-même je joue beaucoup aux jeux vidéo et en fait le truc c'est le soir quoi. Ouais. Oui. Et toi, boum, tu dors. En plus, avec toi, on peut commencer à jouer dès 14h. Ouais. C'est bien. Il n'y a aucune solution, on est d'accord, qui est proposée. C'est une solution pour lui en fait, pas pour elle. Bah oui. Ah oui, alors. Okay. Tout va bien. Bah, oui. Bon. Okay. Bon. Un autre message vocal, on a, je crois, la pire imitation du monde. Salut Manu, est-ce que tu reconnais? C'est Scooby-Doo. Mais c'est pas du tout Scooby-Doo. Ah, j'adore. Pas du tout. Scooby-Doo, il parle comme ça. Sammy, j'ai peur pour un sandwich. Ouais, là c'est bien. Ouais. Bah oui, celle-là est mieux, effectivement. C'est bizarre de dire ça. Ouais, on peut la réécouter? Ah oui, si tu veux. C'est le menu. Est-ce que tu reconnais? C'est Scooby-Doo. C'est Le Pen. Mais c'est vrai. C'est très bizarre. Bon, bah. Rien. J'ai rien à dire. On va s'écouter Jane, ce sera bien pour tout le monde. N'hésitez pas à nous envoyer des messages vocaux. L'application Manu dans le 6, elle est gratuite, vous pouvez la télécharger. On les écoute pendant l'émission. Soyez les bienvenus, c'est Énergie, c'est Manu dans le 6. To look down at you. Things gonna be

Leclerc. Chérie, mercredi et jeudi chez Leclerc. 80% de tickets Leclerc sur la lessive capsule Ariel Pods 3 en 1. C'est possible ça, 80%? Ah bah chez Leclerc, c'est comme ça. Les 28 et 29 novembre chez Leclerc, la lessive capsule Ariel Pods 3 en 1 de 30 lavages est à 9,99€, soit 12,33€ le kilo. Avec en plus 80% en tickets Leclerc. Produit dangereux et irritant, respectez les précautions d'emploi. Voir modalités et magasins participants sur www.1.leclerc. 80% de tickets Leclerc. 7,99€ sur la carte, j'ai calculé. TF1. La vérité sur l'affaire Harry Kéber. La série événement de Jean-Jacques Hano, d'après le best-seller de Joël Dicker, continue ce soir. L'auteur Harry Kéber a été arrêté aujourd'hui après que les restes du corps de Nola Kellerghan aient été découverts sur sa propriété. Il fallait que j'arrête ça. Patrick Dempsey dans La vérité sur l'affaire Harry Kéber, ce soir à 21h sur TF1. Manu dans le 6-9. Dans 6-9. 6h, 9h30. Sur Énergie. Dans moins de 10 minutes, juste après The Prince Karma, rendez-vous avec les sondages du matin et tout de suite, c'est les infos. Toute l'actu avec Jean-Charles Gaucher. Salut Manu, bonjour à tous. La météo simple et basique avec des nuages, de la pluie au nord, du soleil au sud. Et il va pleuvoir assez fort, notamment début de soirée sur la Bretagne et le Grand Est. Demain et vendredi, on devrait pouvoir profiter d'un léger mieux avant une nouvelle dégradation prévue pour ce week-end. Les températures restent stables. Cet après-midi, il fera 5 degrés à Belfort, 9 à Laval, 12 à Montauban. Rendez-vous dans la rue, des gilets jaunes aux étudiants. Plusieurs appels à manifester ont été lancés hier pour la journée de samedi. Concernant le mouvement contre la vie chère, les salariés et les retraités en colère veulent de nouveau se rassembler sur les Champs-Élysées à Paris. Ce sera sans doute très compliqué. L'UNEF et la FAGE, deux des principaux syndicats étudiants, souhaitent eux profiter de défiler, pouvoir défiler dans tout le pays contre l'augmentation des frais d'inscription pour les étrangers. Le président a fait des propositions hier, quelques nouveautés, mais aussi une disparition. La consigne envisagée pour les applis communautaires de ne plus signaler certains contrôles routiers est finalement abandonné. Les utilisateurs de Waze ou encore Coyote vont donc pouvoir continuer à faire confiance à leur site préféré. Les vacances, les périodes de fête, ça ne sent jamais bon pour les hôpitaux. Un nouvel appel au don de sang est lancé dans toute la France cette semaine. Ça ne prend que quelques minutes pour sauver des vies. Vous retrouvez la liste des points de collecte près de chez vous et toutes les infos sur dondesang.fr. Un grand match, mais un nul au final à domicile pour Lyon hier en Ligue des Champions. Deux partout entre l'OL et Manchester City. Dommage pour des Lyonnais qui ont pourtant mené à deux reprises. Ils seront qualifiés pour les huitièmes de finale s'ils ne perdent pas en Ukraine contre Donetsk dans deux semaines. On croise les doigts aussi pour le PSG. Ce soir, Paris reçoit Liverpool à 21h avec la quasi-obligation de gagner. Oubliez les collants verts, le prince des voleurs a du style. Dans Robin des Bois, signé aujourd'hui avec Energy, Taron Egerton incarne le héros au grand cœur pour ce remake très moderne de la légende médiévale. L'acteur révélé dans Kingsman réalise surtout un rêve de gosse. Chez lui, il n'avait que deux déguisements qu'il ressortait toujours pour le carnaval. Robin des Bois et Superman, oui. Mais le costume qu'ils m'ont fait pour le film est bien plus cool que celui que j'avais gamin. C'est marrant de me dire que j'étais fan de ce personnage et qu'aujourd'hui, voilà, je suis Robin des Bois. Ça fait bientôt 3 ans que je me prépare à l'incarner à l'écran. Il fait partie de ma vie. Et à chaque fois que cette anecdote me revient, je réalise à quel point ce qui m'arrive est cool et incroyable. Voilà pour cette interview de Bertrand L'Aiguillon, également au cinéma aujourd'hui. On a par exemple le retour du Grinch avec la voix de Laurent Lafitte et puis aussi un conte de Noël, Casse-Noisette et les 4 royaumes. 6h33, c'est la fin de ce flash. Bon réveil, bonne matinée sur Énergie. On est le mercredi 28 novembre et vous retrouvez comme chaque matin Manu dans le 6-9. Nous, on se donne rendez-vous dans une toute petite demi-heure pour le prochain point sur l'actu. Bonne journée. C'est nous. Et bonjour. C'est drôle ce « et bonjour ouais. ». Hier, j'ai été à la boulangerie, j'achète des conneries, ouais. Et enfin des conneries, des trucs sucrés, pas bons pour la santé. Bah, pas bravo, okay. Pas bravo. Bah oui, bon. Et elle me fait « et merci ». Mais non, mais non. Oh. Et je fais « oh !» J'ai failli lui dire « ah, vous faites comme vous, on fait « et bonjour ». Elle est exprès, parce qu'elle t'a vu que c'était… Non, pas du tout. Elle fait « et merci ». Je dis « waouh, on est en train de lancer une mode ». Ouais, c'est ça. On devrait tous parler comme ça. « Et bonjour bah, !» oui. Et d'accord. Et ça va. Et oui. Et merci. Non, j'ai oublié tout de suite mon idée. Ah. Ouais. The Prince Karma arrive pour vous dans 2 minutes. Juste après, ce seront les sondages du matin. Attention, aujourd'hui, les sondages spécial couple. Ouais. Mais il y en a pour tout. Il y a des sondages sur le début des couples, sur la vie en couple et sur la rupture en couple. D'accord. Voilà, on va faire vraiment la vie des couples en trois sondages. Aujourd'hui, on est le 28 novembre. L'annonce a été faite hier par le ministre de la Santé. Je pense que vous en avez entendu parler. Oui. Certains préservatifs. T'as dit oui? Ah bah oui. Tu sais même pas de quoi je parle? Ah bah parce que c'est. Moi je savais que c'était le préservatif. Félicitations. Wow. Ouais. Certains préservatifs seront désormais remboursés par la sécurité sociale. Ouais. Alors ce ne sont pas n'importe lesquels. Les préservatifs masculins lubrifiés Eden, taille normale ou XL. Ah merde. Okay. De quoi? Non, je suis pas concerné du coup. Oh, oh non. Mais j'avoue, c'est dégueulasse cela dit. C'est dégueulasse pour les petits zizi. Bah oui, c'est parce que moi j'ai un cousin, le même toujours. Ouais. Ah, il a un petit zizi, mais il est pas concerné. Non, mais ils ont aussi droit à l'amour protégé. Bah exactement, bien sûr, l'amour protégé gratuit. Oui. Bah oui. Bah oui alors. Et puis il y a pas XXL non plus parce que ça existe, je crois. Alors ça vraiment pour moi c'est une légende. XXL. XXL. Tant qu'on parle du gouvernement, nous avons un anniversaire aujourd'hui à souhaiter. C'est l'anniversaire d'Édouard Philippe, notre Premier ministre. Ah ouais. Il a 48 ans aujourd'hui. Alors, à mon avis, je sais déjà ce qu'il ne faut pas lui offrir pour son anniversaire, même pour la vanne. Ouais. Ça commence par gilet, ça termine par jaune. C'est vrai. même pas que ce soit de jaune, hein, moi je dirais. Alors, un autre anniversaire aussi. Alors, enfin, il n'est plus avec nous, mais ça aurait été son anniversaire aujourd'hui. Il a les droits sur son sourire. Ah, Michel. Il a les droits sur... On connaît tous cette chanson parce qu'en général, il la passe à 14h du matin en soirée. Ouais. Ça aurait été l'anniversaire de Michel Berger, il aurait eu 71 ans. Yes. Oh, c'est triste. Alors, ce qui est marrant, c'est que je ne connais personne qui déteste foncièrement les chansons de Michel Berger. Ouais. C'est vrai. Ah ouais. Personne va te dire, ah ouais, non, mais j'aime pas ces chansons. Bah non. Alors que bon, si on dit qu'on aime pas, il va faire quoi? Oh non. Oh le lâche. Je l'ai pas dit. Non. J'imagine. Ouais. 6h36. Les sondages du matin arrivent dans 3 minutes sur Energy, juste après The Prince Karma. This is complete and total bullshit. If I show you my tits, will you let me in? Can you just take another drink with me? Thanks. Later, bitches. Bitches. Bienvenue sur Energy, on va écouter Kenji. Pour oublier. Ça arrive dans 3 minutes. Et avant ça, voici comme chaque matin les sondages du matin, parce que ce sont les sondages et qu'on est le matin. Ouais, je sais, parfois je me dis moi aussi que je suis un génie. Ah, c'est fou. Attention, aujourd'hui je voulais annoncer des sondages spécial couple. Yes. 25% des couples se disputent au moins une fois par semaine à cause de ça. À cause de quoi? La lunette des toilettes pas relevée. Non. C'est un truc à la maison ou pas? Pas vraiment à la maison. Non, ça n'a rien à voir avec la maison, avec les pièces, avec les objets. D'accord. Ça a un lien avec une autre fille? Ça peut avoir effectivement un lien avec une autre fille ou un autre garçon. Ouais. Ah bah quand tu lui demandes comment va ta copine ou... Non, on demande rien. C'est un truc qui a à voir avec le téléphone? Avec le téléphone. Oui, mais alors de loin, oui. Okay. Ah, ils voient un appel que t'as eu ou t'as passé, quoi. Bah, vous y êtes pas, c'est pas grave. Ouais. 25% des couples se disputent au moins une fois par semaine à cause d'un j'aime sur les réseaux sociaux. Waouh. Wow. Ouais. Tu cliques, allez, oh la photo de cette fille, clac, j'aime. Ouais. Et pourquoi tu l'aimes cette photo? Parce qu'elle est jolie. Ah bon, elle est jolie comment? Elle est plus jolie que moi. C'est quoi l'histoire? Viens, on se pose, on en discute. Ouais. Voilà. Ça sent le vécu, hein, quand même. Non. Toujours son âge couple, une femme sur cinq adorerait que son partenaire en soit équipé en permanence. D'après vous, qu'est-ce que vous aimeriez que votre mec ait en permanence sur lui, Isabelle? La liste des courses. Oh non. Alors, on est très très très loin de la réponse. Okay. Un détecteur de mensonges? Non, mais on se rapproche du concept. Un outil? C'est pas un outil. Enfin, c'est pas un outil. C'est genre une machine, quoi. Un truc. Oui. Un truc à voir avec la jalousie. Oui, avec la jalousie, absolument. Ah, avec quelque chose qui permettrait de savoir où il est, tout le temps. C'est exactement ça. C'est une puce GPS. Ah, ben ouais. Oh, une femme sur cinq adorerait que son partenaire soit équipé d'une puce GPS en permanence. Apparemment, Isabelle en fait partie. Non, mais c'est très rassurant. C'est vrai, ça me rassurait de savoir où il est. Non, mais je sais que c'est pas bien. Mais c'est un espèce de vieux fantasme que j'ai comme ça, mais c'est pas bien. Ouais, à ce moment-là, directement, c'est que t'apprends une grande ceinture et tu te ceintures autour de lui. C'est vrai. Et quand il marche, t'es derrière, t'es accroché à lui, tu vois, à ce moment-là. Dernier sondage spécial couple. Après une rupture, c'est la première chose que font 11% des gens. Oh. Qu'est-ce qu'ils font donc? Aller boire un coup avec des amis? Non. Rappeler une ex? c'est pas ça. C'est quelque chose qu'on fait chez soi? Tu peux le faire chez toi, tu peux le faire n'importe où. C'est un rapport avec d'autres gens ou pas? Oui, c'est un rapport avec d'autres gens. Ah. Absolument. Ah. Après une rupture, c'est la première chose que font 11% des gens. Se réunir pour dire du mal? Alors, c'est se réunir, mais c'est pas pour dire du mal. C'est planifier des vacances avec ses potes et ses copines. Ah ouais? Ah ouais, t'as besoin de... c'est la première chose que tu fais, quoi. C'est vrai. Et en général, c'est pas des vacances genre, allez, on loue une maison. Non, c'est... Ah non. La fête! C'est vrai. Allez, 6h42, les sondages du matin reviennent évidemment demain à la même heure. Dans 3 minutes, on va vous prendre au téléphone. Parce qu'il y a une étude qui dit que les frères et sœurs se disputent en moyenne 5 fois par jour. Ma question est simple, quelle est votre histoire de bagarre avec votre frère ou votre sœur? Ah, ok. Allez. On est basique, on est simple. Ouais. Alors, venez nous raconter la plus grosse que vous ayez eue. On vous prend au téléphone au 0 800 70 42 48, juste après Kenji sur Énergie. Enfant des villes, ou enfant des foins, on se fait tous une île pour aller bien. À l'horizon, pas de boulot. C'est pas qu'on est con, non, c'est qu'on l'est trop. Alors on traque un peu de joie pour porter le sac quand ça va pas. Et demain l'horloge s'arrêtera. Comme dirait Georges, ça va de soi. On ira faire la fête, on ira faire les rois pour se vider la tête, tout oublier, tu vois. On ira faire la fête, on ira faire les rois pour se vider la tête, pour oublier. Le temps qu'on passe à pleurer s'amoncelle dans nos valises. C'est du temps qui casse le dos, qui nous le brise. Oublier l'horloge qui tourne et nous tue. Comme dirait Georges, bien entendu. On ira faire la fête, on ira faire les rois pour se vider la tête, tout oublier, tu vois. On ira faire la fête, on ira faire les rois pour se vider la tête. Pour oublier, pour oublier, pour oublier, pour oublier, se vider la tête, tout oublier tu vois. On ira faire la fête, on ira faire les rois. On va écouter Kaiser Panda. Je comprends pas les paroles, mais c'est cool. Ouais. Et puis il y a Panda dans le titre, donc forcément c'est sympa. Ouais, bien sûr. Avant d'écouter Kaiser Panda, on se raconte nos disputes, nos bagarres, nos engueulades de frères et de sœurs. Je vous rappelle cette étude, les frères et sœurs se disputent en moyenne 5 fois par jour. Quelle est votre histoire de dispute, de bagarre avec votre frère ou votre sœur ? Nico. Moi j'en ai une belle avec mon frère quand j'étais en coloc avec lui. Je lui ai pas parlé pendant 3 mois parce qu'il a bouffé tous mes yaourts quoi. En une soirée. Je suis rentré d'une soirée, j'avais plus de yaourts. C'est quoi cette engueulade d'enfant à l'âge adulte? Parce qu'on avait un étage chacun dans le frigo et du coup moi j'ai dû m'acheter mon propre petit frigo avec un cadenas quoi pour avoir mes yaourts. Il me piquait tout le temps mes trucs. Je suis rentré, il y avait plus mes danettes. Mais c'est trop mignon, vous êtes gourmand de famille. Bah, ton frère est. C'est des yaourts, non. Mec. Ouais, mais c'est mignon de manger tous les yaourts en une soirée. Bah oui, bah, il avait faim, il avait pas envie de se faire à manger, il a bouffé mes yaourts. Non, à mais moi, ce que Glandu essaie de te dire, Nico, c'est que t'es un peu glouton, quoi. Ah ouais, j'ai compris. Non, je vais te manger, Glandu. Je te jure. Ah voilà. Et bien ce qu'on dit. Attention. Votre pire histoire de bagarre, de dispute, frère, sœur, Isabelle. Avec ma grande sœur, on jouait à la maman et au bébé. Donc elle me disait maintenant, moi je sais plus rien faire, c'est toi qui fais tout. Donc entre autres, je rangeais toute sa chambre. Ah parce qu'elle disait que c'était un bébé en fait. Voilà, c'est ça. Et j'étais la maman, donc je me retrouvais à mettre la table, à tout faire à la maison. Et un jour, j'ai capté, j'ai compris le truc. Et là, je te jure, j'ai l'impression que le sol s'effondrait sous mes pieds, quoi. T'as compris qu'elle se foutait de ta gueule depuis des années. Ah, bien sûr. Donc là, c'est monté. Je suis partie dans une colère de dingue. Et puis, on s'est disputé comme des malades. Ça a duré toute la journée. On hurlait comme des folles dans la chambre. Et après, j'ai boudé, je crois, vraiment 2 mois plein, quoi. Et ouais, cette histoire, c'était il y a 2 semaines. Roxane, bonjour. Bonjour, toute l'équipe. Salut, Manu. Bienvenue sur Énergie, Roxane. Quelle est ton histoire de bagarre, de dispute, frère-sœur? Alors, mon histoire, j'avais 7 ans et mon grand frère de 10 ans a mâché une vingtaine de malabars qu'il a mastiqué. Il en a fait une grosse masse et il l'a collé sur les cheveux. Ah. Je vais hurler. Ma mère est arrivée et devant le problème, il a fallu prendre une décision de raser la tête. Oh wow. Mais alors, le chewing-gum dans les cheveux, c'est tu peux rien faire. Ouais. Tu peux rien faire à part couper. Et là, effectivement, si ton frère il en avait 20 malabars. Ouais, ah la vache, raser la tête, c'est dur. Ouais, la prouesse, elle est là, 20 malabars dans la bouche. La prouesse, elle est là. Non, la prouesse, elle est non, pas non, là. Non, c'est ouais, c'est fort quand même. Saluons ton frère qui a quand même réussi à mâcher 20 malabars. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Merci de nous avoir appelé, Roxane. Je pense que moi, la plus grosse dispute bagarre avec mon frère, je vous l'avais déjà raconté, c'est la boule de pétanque. Oh là là. On était en vacances, ouais. On jouait à la pétanque, on s'énerve, et là, ma boule de pétanque part, quoi. Elle lui a atterri sur le dos. Ouais, ah oui, c'est dangereux. C'est oh là là là là là là. Mais il s'est bien retourné, j'ai vu dans ses yeux qu'il allait me découper en morceaux. Bah oui. Vous voyez les histoires, les effets divers, les enquêtes, tout ça. Ouais. Quand on voyait le mec complètement taré, c'était mon frère. Et là, je me suis dit, mec, cours comme jamais tu l'as couru. Ouais. Et je vous jure que c'est vrai, on était en vacances, genre dans une ferme, j'ai couru. J'ai trouvé l'endroit où je pouvais ne plus être retrouvé pendant des années. Ouais. Je suis resté caché là jusqu'au soir au dîner. Ouais, c'était où? C'était où? Oui, l'endroit où tu t'es caché. Ah, mais c'était tout en haut d'une ferme, haut dans un étage avec les ballons de paille, quoi. Ouais, okay. Et j'avais peur, oh là là. Ouais, et c'est bon du coup? Bah sinon, après, j'ai attendu qu'il y ait le dîner pour arriver en sachant que mon frère, il y avait mes parents qui pouvaient me sauver. Ouais. Donc ne jetez pas deux boules de pétanque sur les gens. Non. Louise, bonjour. Salut Manu, salut les Wawa. Quelle est ton histoire de dispute de bagarre avec ton frère, ta sœur? Alors moi j'avais 8 ans, je me suis levée en pleine nuit pour aller manger le repas de sa sortie. Mon frère avait 11 ans, ma mère lui avait préparé un pique-nique. Donc je lui ai tout mangé et le lendemain quand il est rentré de sa sortie, en fait je lui ai avoué. Et du coup pour se venger tous les matins, il me prenait mon goûter pendant un mois. Ah oui, mais en même temps, tu l'as cherché. Hein. Elle dit, tu devrais rencontrer Nico au niveau des gloutons, vous êtes pas mal tous les deux. Merci de nous avoir appelé, Louise. Votre bagarre, frère, sœur, glandu. Moi, j'en ai une belle avec ma grande sœur. Elle me forçait toujours à regarder ses séries télé pour filles. Et un jour, j'en ai eu marre, je décide de me rebeller. Et je lui ai arraché la télécommande des mains. Oh. Et là, ouais, là, ça a dégénéré. Elle a voulu me la récupérer, je l'ai poussée. Et j'ai fini, c'est pas bien, mais je lui mettais des coups de télécommande. Ouais. Ouais. C'est pas bien. Non, non, mais c'est frère sœur, tu touches, ça peut être très violent. Frère. Ouais. Alors, mais le coup de la télé entre frère et sœur, moi, mon frère, il était plus grand que moi, il faisait un truc horrible, c'est qu'il regardait pas ses séries, juste pour me faire chier. Quand je voulais regarder une série, il zappait, il mettait le sport, il y avait du patinage artistique. Et il me disait, parce qu'il était plus fort que moi, je pouvais pas lui prendre la télécommande. Il me disait, on va regarder du patinage artistique. Wow. Et c'est la guerre, quoi. Non, mais c'est surtout pour ça que je déteste le patinage artistique aujourd'hui. Putain, il a mérité un peu sa boule de pétanque. Hein. Oh non, non, non, non, non, non. Kaiser Panda sur NRJ. Bon réveil. Vamos de Colombia hasta Portugal, de España a Brasil hasta Panamá, Puerto Rico también lo sienta en Venezuela, quiero más. Oye, la fiesta a ti te llama, suéltate el pelo y salta de la cama, estamos ready, la noche muy larga, así que vamos a quitarnos toda la caña. Si tú estás bien, habla portugués, conmigo mujer y si no pues tú no ven, esta noche yo voy a hacerme con el balcón. En el barrio, guaraná, rumba y tequila. Déjate de tres mamacitas. Todo el mundo quiere, todas las mami lo quieren. Sé que prefiere, mami, tu cuerpo no miente. La gente marcha, Bogotá va a rumbear y Bogotá va a danzar. No llego todos ya, Pipura y en el oriente. Todos quieren fiesta y bailar. La gente marcha, la gente quiere fiesta y rumba. Ya la vea, quiero el ritmo sin ley. El papi Pipura, vamos a romper. Sur Énergie, il est 6h54. On va écouter Dadju et on va doubler votre salaire. Ça va se passer à 7h05 pour la première fois de la matinée. Il suffit de vous inscrire à énergie.fr ou Manu dans le 69.com. On est le 28 novembre aujourd'hui. On a une journée mondiale. Ah, c'est quoi? C'est la journée mondiale du miel. Oh, ah, c'est cool, le miel, on aime bien, c'est bon le miel. Ouais, on aime. Après, j'ai une question. Qui est le premier être humain qui a eu l'idée de goûter à ça? Ouais, non, oui, c'est vrai. Il faut oser mettre sa main dans la ruche. Ah ouais. Après j'ai une deuxième question. Ouais. Est-ce que c'était au moins sa main? Oh bah. Ah non. Pas que veux-tu que ce soit. Oh non. Non. Pourquoi bah tu penses à ça, Manu? Un pied. Parce que je suis taré. Ouais. Ça aurait été toi du coup le mec, je pense. Non. Allez, on enchaîne. Manu dans 6-9. Manu et les Wawas. 6h, 9h30, tous les matins sur Énergie. Vous savez que votre radio est allumée sur Énergie. No problem.

Et qu'on le fasse chanter. On va doubler votre salaire dans 5 minutes. On va écouter Georges Ezra, il y aura aussi Dadju, tout ça, c'est après les infos. Toute l'actu avec Jean-Charles Gaucher. Salut Manu, bonjour à tous. C'est assez simple ce mercredi comme prévu. La France est coupée en deux. Des nuages, de la pluie, voire de fortes pluies même en soirée pour la moitié nord. Du ciel bleu, beaucoup de soleil au sud. Ce sera sans doute un petit peu moins humide, c'est vrai, demain et après-demain avant de se dégrader à nouveau ce week-end. Et les températures ne bougent pas. Cet après-midi, on aura 10 degrés à Aurillac, 12 à Bayeux, jusqu'à 14 pour Toulon. Et il a raté son examen de passage. Emmanuel Macron n'a pas convaincu les gilets jaunes avec ses mesures annoncées hier. Quelques baisses de taxes, un coup de pouce sur le carburant, c'est loin d'être assez apparemment. L'appel à manifester est donc maintenu pour samedi sur les Champs-Élysées. Les autorités auront sans doute du mal à accepter après les incidents du week-end dernier. Samedi, il y aura aussi d'autres mouvements sociaux, notamment celui des étudiants. L'UNEF, le principal syndicat dans les facs, est rejoint par la FAGE pour dénoncer l'augmentation des frais d'inscription pour les étrangers. Des rassemblements souhaités dans la capitale, mais aussi dans tout le pays. Au second degré, cette fois, l'UNEL appelle au blocage des lycées vendredi contre le manque de moyens. Il était temps, il aura fallu attendre 2018 pour que les préservatifs, le seul moyen efficace de lutter contre le sida, soient remboursés par la Sécu. Dès le 10 décembre, vous pourrez donc aller à la pharmacie, retirer des capotes sur présentation d'une ordonnance de votre médecin. 1,30€ la boîte de 6, prise en charge à 60%. Environ un livre sur trois vendu en France est destiné aux enfants ou aux ados. Un gros business pour toute l'industrie de l'édition qui se réunit à partir d'aujourd'hui en banlieue parisienne. C'est le début du Salon du Livre Jeunesse. Entre 10 et 12 ans, ce sont les BD qui restent de loin les plus populaires. Cette année, on retrouve d'ailleurs deux bandes dessinées dans le top 3 des plus gros cartons avec notamment le dernier Astérix. Une grande fierté ce matin, celle des supporters lyonnais qui ont vu leur équipe préférée tenir tête au meilleur club d'Angleterre, meilleur club du moment. De partout hier à domicile pour l'OL face à Manchester City en Ligue des Champions. Lyon devra ramener au moins un nul d'Ukraine dans deux semaines face à Donetsk pour être qualifié en 8e de finale. Place au PSG ce soir, Paris obligé de gagner contre Liverpool au Parc des Princes pour rester maître de son destin. Le coup d'envoi sera donné à 21h avec Neymar et Mbappé de retour de blessure et donc titulaire en principe. Ne dites plus Coldplay, mais plutôt Los Unidades, le nouveau projet de Chris Martin, un mini-album qui sort vendredi. Un premier single, Hilo, enregistré par un certain Pharrell Williams, est déjà disponible et c'est pour la bonne cause. Les bénéfices serviront à financer des actions contre la pauvreté et pour l'égalité des sexes, l'éducation et l'accès à l'eau partout dans le monde. Du ciné enfin ce matin, plusieurs sorties, c'est mercredi. On a un remake tout d'abord, celui de Robin des Bois avec énergie, Taron Egerton, Jamie Foxx et Jamie Dornan à l'affiche. Et puis il y a aussi Sauver ou Périr, Pierre Niney métamorphosé dans le rôle d'un pompier accidenté. 7h03, c'est la fin de ce flash mercredi 28 novembre. Bon réveil avec Manu dans 6-9 sur Énergie. Très bonne journée. C'est le 28 novembre aujourd'hui. Bonjour mercredi. Bonjour mercredi. Ah ouais. J'aime le mercredi. Oui. Je rappelle ma théorie, c'est simple. Le lundi, on est en bas de la montagne. Et le mardi, on commence à la grimper. On est au milieu de la montagne. On grimpe, on a froid. Et le mercredi, on arrive où ? En haut de la montagne. Ouais. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il nous reste juste maintenant à descendre la montagne. Tout juste jusqu'au week-end. Trop bien. Et si on contracte tout ça, on peut dire qu'on est en week-end. Soyez les bienvenus. Yes. Dans une minute, on va doubler votre salaire. On va s'écouter Dadju. Aujourd'hui, c'est mercredi. Oh, c'est la journée du cinéma, rubrique cinéma. Ah. Énergie présente la rubrique cinéma de Manu dans le 6-9. On a une sortie cinéma aujourd'hui, c'est Robin des Bois avec Jamie Foxx. D'accord. Ouais. Il y a eu plein de Robin des Bois déjà, et ben il y en a un nouveau aujourd'hui. Robin des Bois, c'est celui qui prend aux riches pour donner aux pauvres, c'est ouais. ça C'est ça. Ouais. En tirant des flèches dans les fesses et qui porte des collants vert pomme. Ouais. Le fond est bien, la forme moins. Énergie vous a présenté la rubrique cinéma de Manu dans le 6-9. J'ai rien contre les collants vert pomme, mais bon. Ouais, quand même. C'était la rubrique cinéma, et maintenant on va doubler votre salaire. Manu dans le 6-9, tous les matins sur Énergie. Manu double votre salaire. Energie.fr ou Manu dans le 6-9.com ou l'application Manu dans le 6-9 pour vous inscrire, c'est gratuit. Et chaque matin à 7h05 et 8h05, on double votre salaire. Manon habite Courcelles-sur-Mer, c'est dans le Calvados, elle a 26 ans. et elle touche 1260 euros chaque mois. Manon, on t'appelle maintenant pour te doubler ton salaire. Juste après, on va s'écouter Dadju. Mais avant ça, allô. Manon, tu décroches. Et ça y est, c'est fait. Allô. C'est Manon. Allô, oui. C'est Manon de Courseul-sur-Mer dans le Calvados. Oui. Quel est le seul animateur radio qui double ton salaire? C'est Manu sur Énergie. Eh ben oui. Et voilà Manon, je te l'annonce, je vais doubler ton salaire de 1260 euros, ça va passer à 2520 euros pour toi maintenant. Oh merci. Pas mal hein. Ah ouais, c'est super, merci. Je te double ton salaire et t'as même pas eu besoin de mettre un gilet jaune pour me montrer que t'étais pas contente. Ça me fait plaisir Manon. 2520 euros pour toi, ça arrive très vite. Tu es caviste. C'est bien ça, ouais, je vends du vin en boutique. C'est pas mal. Ouais, c'est cool. C'est pas mal. J'ai bien choisi mon métier, oui. Ah bah ça dépend, je sais pas, là c'est toi. Alors, j'ai un truc, parce qu'on se dit toujours, on a toujours ce petit moment de stress, cette petite boule au ventre, quand on goûte un vin. Ah ouais. On commande un vin au restaurant, on arrive, qui le goûte? Et si ça tombe sur toi, t'es obligé de faire genre, tu t'y connais. Ouais. C'est ça. Alors, moi je fais toujours un truc, Manon, quand je prends, j'ai vu ça à la télé, ils font... Oh non. Est-ce que j'ai raison? Bah, faut faire rentrer de l'air dans la bouche pour apprécier aussi les arômes qui ressortent, quoi. Mais c'est génial, je sais même. Il y a des sommeliers qui sont là pour ça, hein. Oui, non, mais enfin, allons, ouais. Je ne vais pas dans le restaurant, il y a des sommeliers. Moi, je vais dans le restaurant, le nain me dit tiens, c'est pour vous. Oui, et puis le sommelier, il ne veut pas goûter ton vin, à toi, si. Ah non, normalement. Ouais. Peut, hein. Ah bon? À ta place. Bah, le sommelier. Alors, il est sympa ton restaurant où le sommelier boit avec toi à table. C'est le mec qui se descend la bouteille. Bah, elle était très bonne. Hein. Ouais. Merci, c'est pas mal. Ça fera 600 euros. Dis-moi, Manon, quand tu vas au restaurant, est-ce que t'as le chef qui arrive avec sa toque et fait attends, je vais prendre un peu de ton plat aussi. Ah non, il est pas assez chaud. Attends, je te le ramène. Ah, cool. Ouais. Manon, on te double ton salaire. 2520 euros. Ça arrive très vite pour toi. Bravo. Merci beaucoup, merci à toute l'équipe. Ça peut vous arriver vous aussi, il suffit de vous inscrire énergie.fr ou Manu dans le 69.com. Dadju pour vous sur Énergie. On démarre la journée ensemble, c'est Manu dans le 69. On est mercredi, soyez les bienvenus. Je sais pas à quoi tu t'attendais. Avec moi y'a pas d'histoire, de c'est juste un ami. Ah, à qui tu veux faire avaler. Que ton corps ne dérange pas tes soi-disant amis. Mais t'inquiète pas, je ne doute pas de nous. Ensemble on est stylé, c'est pas une question de fidélité. Le problème ne vient pas de nous, les hommes je les connais. J'ai moi-même été de l'autre côté. Oui j'ai fait du mal à je ne sais combien de femmes. Et j'ai peur que tu deviennes mon retour de flamme. Je te dis que j'ai fait du sale à je ne sais combien de femmes. Et j'ai peur que tu deviennes mon retour de flamme. Ma chérie tu es jolie. Avec un corps impoli, les hommes sont sans pitié, interdit de les approcher. Avec le temps tu embellis, t'es mieux que ça Balotelli. M'en veux pas de me méfier, homme-femme y'a pas d'amitié. Si je t'aime, je suis jaloux. Quand j'aime, je suis jaloux. Si je t'aime, je suis jaloux. Évidemment que je suis jaloux, yeah. Bébé tu es le mien, t'es la femme de quelqu'un. Ce qui brille sur ta main veut dire que tu m'appartiens. Mon bébé tu es le mien, t'es la femme de quelqu'un. Ce qui brille sur ta main veut dire que tu m'appartiens, yeah. Je sais toujours pas à quoi tu t'attendais. Les hommes n'ont pas grandi dans la logique de devenir juste des amis. Je sais toujours pas à quoi tu t'attendais. Enlève-moi tout de suite toutes ces bêtises de ton esprit. Sois pas naïf, non méfie-toi de tout. De tout et de tout le monde, en commençant par le sexe opposé. Si je te dis méfie-toi de tout. De tout et de tout le monde, c'est que mon tour finira par arriver. Oui, j'ai fait du mal à je ne sais combien de femmes. Et j'ai peur que tu deviennes mon retour de flamme. Je te dis que j'ai fait du sale à je ne sais combien de femmes. Et j'ai peur que tu deviennes mon retour de flamme. Ma chérie, tu es jolie, avec un corps impoli. Les hommes sont sans pitié, interdit de les approcher. Avec le temps, tu embellis, t'es mieux que ça Balotelli. M'en veux pas de me méfier, homme, femme, y'a pas d'amitié. Si je t'aime, je suis jaloux. Quand j'aime, je suis jaloux. Si je t'aime, je suis jaloux. Jaloux. Jaloux. Jaloux. 7h10, bienvenue sur Énergie. Dans 5 minutes, c'est le retour de Georges, l'intelligence artificielle la plus embarrassante de France. Ce sont les messages automatiques qui arrivent, quelqu'un décroche, il entend quelqu'un qui veut rompre, c'est Georges. Ah, c'est dur. Ah oui, c'est dur, mais surtout, il ne sait pas pourquoi quelqu'un l'appelle pour rompre. C'est totalement improbable, c'est l'appel automatique de Georges, ça arrive pour vous dans 5 minutes. Avant ça, j'ai trouvé sur un site qui s'appelle Shopalike, les recherches les plus courantes sur Google que les Européens font sur nous, les Français. Ah ouais. Oh. Voilà les questions que les Européens se posent sur nous. Ok. Pourquoi les Français aiment manger les escargots? Ah oui. Ah ouais, ouais. Ah c'est vrai. Ça peut être bizarre, hein. Ouais. Oui. C'est le truc que tu le vois dans la nature, c'est vrai que t'as pas tendance à le mettre à ta bouche. Quoi. Non, c'est étrange. Et ça, j'ai jamais compris. En plus, vous le mangez juste pour la sauce. C'est la sauce qui est bonne. Ah, l'animal, le pauvre. C'est vrai qu'il a pas trop de goût, quoi. C'est le beurre d'escargot qui est hyper bon. Bah alors arrêtez, achetez juste du beurre, mangez du beurre d'escargot. Ouais, vous auriez un gros cul. Mais bon, pourquoi les Français disent autant de gros mots? Voilà une question que les Européens se posent pour nous. Alors franchement, aucune idée. Bah non. Je pense que ça nous fait du bien. Faut vraiment qu'on fasse un effort, surtout devant les enfants. Moi j'entends même des gens dans le bus qui disent des gros mots, quoi, devant les enfants. Ouais. Oh là là, vraiment, c'est dingue. Mais c'est vrai, Manu. Non mais c'est moche. Non, mais, Les questions que les Européens se posent sur nous, les Français. Pourquoi les Français ne prennent jamais de bain? Ça c'est dingue. On a une réputation de sale partout dans le monde. Non, parce qu'on prend des douches. Bien joué. Ah non, pas mal, bien vu. Voilà ce que je réponds. Voilà, on prend des douches. Question que les Européens se posent sur les Français. Pourquoi ce sont les Français qui ont la Joconde? Léonard de Vinci, il était italien. Ah ouais, c'est vrai. Pourquoi c'est nous qui l'avons? Je crois qu'on l'a récupéré il y a bien longtemps. Ah ouais? Voilà, ouais, c'est un bon argument, ça. Non, mais pourquoi? Je crois qu'on l'a récupéré, qu'on l'a jamais rendu, quoi. Mais on l'a récupéré, genre comme un pote nous prête un jeu vidéo, on le rend pas? Ouais, ça je sais pas bien. Ça se trouve, c'est une question de qui va à la chasse perd sa place, quoi. Un jour, un mec, il a tourné le dos, on l'a pris, les Français, puis on a dit voilà, on le rend pas. C'est regarde. Au Lard, ils ont dit non, on l'a pas. Enfin, il est au musée du Louvre. Non, c'est pas. C'est pas la même. Celle-là, c'est la nôtre. C'est Léonard de 20 pi. Question que les Européens se posent sur nous, les Français. Pourquoi les Français ont inventé le parfum? Je pense que ça a un rapport avec le fait qu'on se prenne pas de bain. C'est vexant. Autre question, pourquoi les enfants français sont-ils si bien élevés? Ah, ça c'est cool. Alors, vraiment, pour le coup, je sais pas. Et surtout qu'ils disent des gros mots plus tard, quoi. Bah oui. Ils sont bien élevés en France. Mais non, mais ça a un rapport avec la deuxième question où ils entendent des gens dire des gros mots et nous, on leur explique que c'est pas bien. Et du coup, les prochaines générations diront peut-être moins de gros mots. Enfin, on y travaille, hein, en tant que parents, quoi. Ouais. j'ai décroché. Autre question que les Européens se posent sur les Français, pourquoi les Français sont mauvais joueurs? Parce qu'on n'aime pas perdre, en tout cas. Ouais, c'est simple. Ouais, c'est vrai. Et pourquoi les Français sont si nuls en anglais? On n'est pas nuls en anglais. Non, ça va. Déjà, on essaie d'être bon en français. On est peut-être plus nuls en français qu'en anglais. Allez, 7h13, on revient tout de suite. On va écouter Georges Ezra. Et c'est le retour de Georges, l'intelligence artificielle la plus embarrassante de France. C'est dans 3 minutes. Manu dans le 6-9. Voilà qui voit, inspecteur Manu. Sur Énergie. Are you drunk enough? Now to judge what I'm doing. Are you high enough to excuse that I'm ruined? 'Cause I'm ruined. Is it late enough for you to come and stay over? 'Cause we're free to love, so tease me. Promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. I'm healing on energy, taking control. promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air. There ain't no science here, so come get your everything. Tonight. I made no promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air. There ain't no science here, so come get your everything. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air. There ain't no science here, so come get your everything. Tonight. I made no promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything. C'est Stéphane Plaza avec Manu dans le 6-9 sur Énergie. Si vous n'arrivez pas à vendre votre maison, il faut écouter Manu. Ça ne changera rien, mais elle est cool son émission, non ? Manu dans le 6-9. Manu dans le 6-9 sur Énergie. Et il est sur M6 ce soir, Stéphane Plaza. Alors, c'est recherche appartement ou maison. Alors, écoutez bien, je vous lis le pitch de ce soir. Okay. Ouais. Stéphane Plaza se rend en Corse pour rechercher le bien idéal en bord de mer pour Laurette et Dominique. Ah, sympa. Ouais, oui, sympa. La Corse, le soleil, la mer. Là, ça se voit que Stéphane Plaza, quand même, joint un peu l'utile à l'agréable. Là. C'est... ouais, c'est vrai. Je vois beaucoup, là, quand même. Voici Georges. Manu dans le 6-9, l'appel automatique de Georges. L'intelligence artificielle la plus embarrassante de France est de retour. Et aujourd'hui, Georges appelle avec ses messages automatiques quelqu'un pour lui annoncer que c'est fini. Ça y est, Georges a décidé de rompre. Ouais, c'est très étrange comme appel, écoutez. Oui, allô ? Bonjour, je ne sais pas comment te le dire. Tout est fini entre nous. C'est qui ça ? Surtout ne t'accroche pas, ça va te faire de la peine. Non, pas du tout. C'est qui ? Je te souhaite d'avancer. Ah bah, moi aussi, je te souhaite d'avancer, c'est ça qu'on est. Et puis la vie, elle nous amène des choses magnifiques. C'est le terreau de notre bonheur. Je pense qu'il faut qu'on fasse nos vies séparées. Mais la vie n'est que la philosophie. La philosophie, déjà, veut dire science de la vie, l'étude de la sagesse. Et la sagesse, elle, c'est la vie. Que tu n'étais pas encore assez éveillé pour entendre et comprendre ce que j'avais vraiment sur le fond du cœur. Je te souhaite beaucoup de bonheur. Si on veut, il est là. Le bonheur est là. C'est comme le sucre dans le café. Au plus tu le cherches, au moins tu le trouves. Tu ne dois pas chercher tes clés, sinon tu ne les trouves pas. Et si tu ne les cherches pas, tu ne les trouves pas. Puis à ce coup, pof, ils arrivent, ils sont là sur la table, ils sont là sur un coin de machin. Ah bah tiens, ils sont là. C'était ça le truc. Je n'ai pas tout compris. Allez, salut. Oh, vous savez quoi ? C'est la première fois qu'on a quelqu'un de plus taré que Georges. Ouais, c'est ça. L'appel automatique de Georges. Manu dans le 6-9. 7h18, nous allons ouvrir le grand livre des lois de la vie dans 3 minutes. Restez là. Ce sera juste après Georges Ezra sur Énergie. Nous allons en apprendre plus sur la vie. Ouais. C'est beau, c'est Énergie. Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road. The sun ain't changing the atmosphere. Architecture unfamiliar, I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. We're south of the equator, navigator. Gotta hit the road, gotta hit the road. Deep sea diving round the clock, bikini bottoms, lager tops. I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. We got two in the front, two in the back, sailing along. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. Bienvenue sur Énergie, les 7h21, le moment est arrivé. Nous allons ouvrir le grand livre des lois de la vie. Il est là devant moi. Je le tiens de mon père qui le tenait lui-même de son père, qui le tenait de son père, qui le tenait de son père, de son père, de son père. Adam et Ève, et les dinosaures. Waouh. Attention, ce livre est en fait le mode d'emploi de la vie. Ouais. Chaque page égale une loi. Ouais. Paulette, donne-moi un numéro de page. 49. Page 49 du grand livre des lois de la vie. Voici la loi 49. On ne se moque pas des vêtements des autres. Ah ouais. Ah. On se moque pas, mais on peut quand même donner son avis et des petits conseils. Ah si, si, si. On peut donner son avis en rigolant. Non, non, on ne donne pas son avis, on rigole pas, on respecte. Parce qu'en fait, on a passé du temps à choisir dans la cabine d'essayage. Ça nous a coûté Attends, cher. Attends, en plus, t'as passé du temps. Mais voilà. Oh non, c'est pas cool. Non, mais c'est que Paulette, ici dans le studio, vient souvent avec des vêtements un peu... originaux. Ouais, c'est, tu les appelles comme tu veux. On peut quand même en discuter de temps en temps, quoi. On a le droit quand même de donner son avis. Je le prends jamais mal, mais vous remarquerez que je ne vous juge jamais sur vos vêtements. Tu peux pas. Oui. Ouais. Allez, on passe à une autre loi. Ouais. Allez. Glandu, un numéro de page. 2018. Oh là là. Wow. Loi 2018 du grand livre des lois de la vie. On ne jette pas de boule de neige sur quelqu'un qui n'a rien fait. Ouais. Ah bah alors déjà un, qu'est-ce que c'est ne rien faire? Ouais. Et deux, si tu surprends pas la personne, c'est pas drôle. Ouais, qui n'a rien fait pour le moment. Parce que toute personne présente est un ennemi potentiel, il faut le savoir. Toujours attaquer en premier. Et puis qu'est-ce que c'est faire quelque chose? Exemple, on parlait de Paulette. Elle arrive avec ses fringues originales. Est-ce que ça déjà, ça ne mérite pas une boule de neige? C'est dégueulasse. C'est pas sympa. Je dis non, la bataille de boule de neige, faut que les deux soient d'accord. C'est dégoûtant de prendre en traître. J'ai déjà pris une boule comme ça en pleine figure, c'est affreux. Et après, ça te dégouline dans le cou. Excuse-moi. Non, rabat-joie, ça ne se fait pas. On demande à l'autre. Excuse-moi, mais franchement. Quand les deux sont d'accord et que tout le monde se jette des boules de neige, c'est quand même nettement moins drôle que quelqu'un qui marche devant. Les autres se regardent, on se dit on prépare des boules de neige, bim, à trois on balance et la personne on lui envoie des boules de neige. C'est quand même autre chose, c'est d'un niveau au-dessus. Ouais. Vous êtes des gamins, c'est pas fair play, tout le monde doit être prêt avec sa boule en main. Non. Le mieux c'est de l'appeler. Tu parles des batailles de boules de neige. Oui. Ah, non, je préfère vérifier. Je la connais la Paulette. Hein. Oh, on a le temps pour une dernière loi. Isabelle, donne-moi un numéro de page. 25012. Oh putain, aidez-moi. Oh la poussière qui a. Loi 25012 du grand livre des lois de la vie. Ce sont les filles qui choisissent ou non de prendre la banquette au restaurant. Ah ouais. Le choix de la banquette ou du siège. La galanterie voudrait que oui. Après, le truc, c'est qu'elles se retrouvent coincées. Et comme elles vont plus faire pipi souvent, elles sont moins bien. Je suis 1000% d'accord avec toi. Voilà, parce que quand vous prenez la banquette, vous vous retrouvez coincé. Ouais. Ensuite, lorsque vous voulez aller faire pipi, et vous allez faire pipi, c'est vrai. Au moins trois fois dans le repas, on est obligé de se lever, de tirer la table. Les gens se poussent, et tout ça parce que vous avez voulu la banquette. Ça nous dérange pas, Manu.

Marc a toujours le même look en hiver. Il n'ose même pas sortir de la maison. Mais cette année, Anne lui a trouvé le cadeau idéal, une doudoune Fila. Anne, les sorties, les balades en forêt, les week-ends en amoureux. Du 27 novembre au 24 décembre, célébrons Noël chez Intersport. La doudoune Fila Floyd Puff est à 49,99€ au lieu de 89,99€. C'est 44% de réduction et 100% de chaleur en plus. Intersport, le sport, la plus belle des rencontres. Conditions et listes des magasins participants sur intersport.fr. Pardon, vous gênez le passage. Vous cherchez quelque chose ? Oui, mais ça m'étonnerait que vous le trouviez en fait. Je suis super exigeant. Eh ben, dites toujours. Bon, ok, je cherche tout. La tradition, le savoir-faire, le respect du bien-être animal, la qualité et un goût supérieur. C'est juste impossible. Bah, pourquoi ça ? Faut être malin. Cherchez le logo Label Rouge sur les viandes et volailles. Ah ouais, malin. Label Rouge. Bœuf, veau, agneau, porc, charcuterie, volaille, œufs. Soyez malin. Faites confiance au Label Rouge. Avec le concours de l'Union européenne. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Manu dans le 6-9. 6h-9h30 sur Énergie. Il est 7h30, dans 10 minutes, on joue ensemble au meilleur jeu radio du monde. C'est le jeu des 5 mots et on vous offre la console de jeu de votre choix. C'est vous qui choisissez votre cadeau. On va jouer juste après Kaigo et les infos. Toute l'actu avec Jean-Charles Gaucher. Salut Manu, bonjour à tous. La météo simple et basique avec des nuages, de la pluie au nord, du soleil au sud. Il va pleuvoir assez fort, notamment au début de soirée sur la Bretagne et le Grand Est. Demain et vendredi, on devra pouvoir profiter d'un léger mieux avant une nouvelle dégradation prévue malheureusement pour ce week-end. Les températures toujours stables. Cet après-midi, il fera 5 degrés à Belfort, 9 à Laval, 12 à Montauban. Rendez-vous dans la rue, des gilets jaunes aux étudiants. Plusieurs appels à manifester ont été lancés hier pour la journée de samedi. Concernant le mouvement contre la vie chère, tout d'abord, les salariés, les retraités en colère veulent de nouveau se rassembler sur les Champs-Élysées à Paris. Ce sera sans doute compliqué après les incidents du week-end dernier. L'UNEF et la FAGE, deux des principaux syndicats étudiants, souhaitent eux pouvoir défiler dans tout le pays contre l'augmentation des frais d'inscription pour les étrangers. Le président a fait des propositions hier, quelques nouveautés, mais aussi une disparition. La consigne envisagée pour les applis communautaires de ne plus signaler certains contrôles routiers est finalement abandonné. Les utilisateurs de Waze et Coyote vont donc pouvoir continuer à faire confiance à leur site préféré. Les vacances, les périodes de fêtes, ça ne sent jamais très bon pour les hôpitaux. Un nouvel appel aux dons de sang est lancé dans toute la France cette semaine. Ça ne prend que quelques minutes pour sauver des vies. Vous retrouvez la liste des 10 000 points de collecte près de chez vous. Toutes les infos aussi sur dondesang.fr. Lyon bien placé en faisant deux partout contre Manchester City à domicile hier. L'OL a conservé toutes ses chances pour la suite en Ligue des champion, un nul dans deux semaines en Ukraine face à Donetsk et les Lyonnais seront qualifiés pour les huitièmes. Le chemin est beaucoup plus compliqué semble-t-il pour le PSG qui doit absolument s'imposer ce soir au Parc des Princes en Ligue des Champions. C'est face à Liverpool pour rester maître de son destin. Il prend aux riches pour donner aux pauvres. Robin des Bois s'offre un coup de jeune avec un nouveau remake très moderne à découvrir au cinéma aujourd'hui avec Énergie. Au casting, Jamie Foxx reprend le rôle de Petit Jean et Taron Egerton, celui du héros de la forêt de Sherwood. Le Britannique en a pris plein les yeux sur le tournage, une plongée dans l'univers médiéval qui l'a conduit jusqu'à Paris. Oui, un de nos plateaux a brûlé. On a dû trouver une autre solution à la dernière minute. On s'est retrouvé à Paris, dans une église magnifique qui ressemblait beaucoup à celle qui avait été imaginée pour le décor. Et les scènes censées se dérouler dans la forêt de Sherwood, on les a filmées dans le bois à côté. En plus, c'était la fin du tournage. Je n'étais plus obligé de faire attention à ma ligne. J'ai pu me goinfrer de viennoiseries françaises. Voilà pour les clichés. Interview signée Bertrand L'Aiguillon, Robin des Bois au cinéma aujourd'hui. Il y a aussi le Grinch ou encore le Conte de Noël, Casse-Noisette et les 4 royaumes. Casse-Noisette et les 4 royaumes. Voilà, mercredi 28 novembre, c'est la fin de ce flash. On est mercredi, bon réveil, bonne matinée sur Énergie. Comme d'habitude, c'est Manu dans le 6-9. Rendez-vous dans une toute petite demi-heure pour le prochain point sur l'actu. Très bonne journée. À tout moment, je peux éternuer. Oulala, vas-y. C'est énervant ce moment où vous avez le nez qui se démange, mais on ne sait pas si on va éternuer ou pas. Ouais, c'est vrai. Sachez-le, à tout moment, je peux éternuer. Okay, voilà. Okay. Vous êtes prévenus. On fait gaffe. Dans 5 minutes, on va jouer ensemble au meilleur jeu radio du monde. C'est le jeu des 5 mots et on vous offre la console de jeu de votre choix. Vous pouvez nous appeler dès maintenant. 0 870 42 48. On va écouter Kaigo, il y aura aussi Kenji. Et avant ça, quelques infos. Ouais. À Toulouse, un homme conteste l'addition qu'on lui donne au restaurant. Il estime que c'est trop cher. Ouais. Ah ouais. Alors qu'il y avait les prix avant, tout ça. Hein. Ah, mais oui, oui, mais oui. Il estime que c'est cher et il s'embrouille avec le patron. Et au final, il paye. Mais avant de partir, il se dit non, non, non, c'est trop cher, je veux un dédommagement. Uh-huh. Il part du restaurant en emportant la table. Mais non. Mais si. La table. Il prend la table. Normalement, un dédommagement, tu le demandes. Ouais. Alors, non, là, il a, considéré qu'il avait. C'était normal d'avoir un dédommagement. Ouais. Il prend la table. Ouais. Du coup, le patron, il a appelé la police et a retrouvé le mec deux rues plus loin, pas très loin, avec la table. Hein, ouais, forcément, c'est compliqué. Il l'avait, voilà. Il l'a rendu, ils l'ont laissé repartir. Okay. Voilà. C'est que lui, je veux même pas savoir ce qu'il fait au cinéma s'il trouve ça trop cher. Je prends l'écran, rien à foutre. À propos de cinéma. Cinéma, série, j'ai une info Game of Thrones. Ah, vas-y. Le créateur George R. R. Martin a dévoilé comment il a eu l'idée de Game of Thrones. Ah, la série Game of Thrones, les personnages. Mm-hmm. Écoutez bien. Ouais. Petit, j'avais deux tortues qui se battaient en permanence pour avoir le meilleur territoire de leur vivarium. Mm. Ça m'a donné envie d'écrire dessus. C'est génial. Ah, bon, génial. Et voilà comment il a créé Game of Thrones. Et j'avais lu que les cris de dragons, c'était des tortues qui copulaient. Donc tout se rejoint. Il est très très tortue le mec. Ah ouais. Peut-être un peu trop du coup. Là, quand même. Ça devient gênant parce que eh bien avec moi l'ingénieur du son, on va enregistrer les tortues qui baisent. Mais pourquoi? C'est pour ma série. Bon. Dans 3 minutes, on joue ensemble au meilleur jeu radio du monde, le jeu des 5 mots. On vous offre la console de jeu de votre choix et attention, ce sera en même temps un défi, un gros défi pour quelqu'un de l'équipe. Ah. Restez là, c'est dans 3 minutes, juste après Caïgo. Bienvenue sur Énergie. On va écouter Kenji dans 3 minutes. Et juste après, on est mercredi, c'est le jour des enfants. Oui. Si vous avez moins de 12 ans, le standard vous est réservé. Vous nous appelez 0870 42 48. Comme chaque mercredi, j'ai une question. Mm-hmm. Quelle est la personne la plus cool de votre famille? Ah ouais, bonne question. Et pourquoi? Qui est la personne la plus cool de votre famille? Vous enlevez vos parents, évidemment, ça compte pas. Ils comptent pas. Quelle est l'autre personne la plus cool de votre famille? 0870 42 48. Avant ça, on a un beau cadeau pour vous. Julie, bienvenue sur Énergie. Salut Manu, salut les Wouah. Je suis trop contente de vous avoir. Mais nous aussi. Quel est ton cadeau préféré, ta console de jeu de tes rêves? La Switch pour jouer à Mario Kart. La Nintendo Switch. Julie, elle arrive pour toi si tu gagnes au jeu des 5 mots. Et pour jouer avec toi ce matin, Glandu. Ouais. Mais attention, avant de jouer, je sais pas que je veux mettre la pression. Ouais. J'aimerais qu'on écoute ce message qui est arrivé sur l'application Manu dans le 6-9. Vous pouvez nous envoyer des messages vocaux. Ouais. C'est un message pour toi, Glandu. Ok, vas-y. Écoutez bien. C'est juste pour dire qu'en ce moment, au jeu des 5 mots, Glandu est un loser. Glandu est un loser. Glandu est un loser. Glandu est un loser. Non, c'est pas très Charlie. Hein, c'est pas bien de faire ça. Mais effectivement, je crois que ça fait deux fois, je crois, que tu perds. Et bon, ah oui, c'est pas. Non, mais ça, c'est pas bien ce message. Déjà, c'est pas bien de l'avoir passé. Parce que moi, ça m'encourage pas. Ça met pas en confiance avant de sortir. Ah si. Deuxièmement, j'ai pas fini. Deuxièmement, des voix se sont élevées pour dire que mes mots étaient très difficiles sur les deux derniers jeux des 5 mots. C'est peut-être pour ça que j'ai perdu. Ouais. Quelle voix, ce sont vous? Dans le couloir, là-bas. Ah, d'accord. Et comme on a la porte fermée, on n'entend pas. Non, mais moi, dans ma tête, je les entends. Hein. Julie, c'est pas que je veux pas te mettre en confiance, mais c'est avec Glandu que tu vas jouer. Non, mais ça va gagner, Julie, t'inquiète. Non, mais on va se connecter et ça va le faire. Mais et bien on va sûr, y aller. Allez. Les règles, je les rappelle. Glandu sort du studio. Allez. Attention. Voilà, il est dans le couloir, là où il entend des voix. Et pendant qu'il n'entend pas ce qui se passe à l'antenne, Julie, je vais te donner 5 mots. Après chaque mot, tu me donnes le premier qui te vient à l'esprit. Ensuite, Glandu revient, je fais pareil avec lui. Et dès que vous avez un mot en commun, eh ben c'est gagné. Julie, on joue au jeu des 5 mots. C'est parti pour la Nintendo Switch. Côté, bord. Rendez-vous. Amoureux. Ressemblance. Jumeau. Minute. Seconde. Viennoiserie. Pain au chocolat. T'as la boîte de jeu, le jeu des 5 mots, toi, c'est pas possible. Comment tu traces? Waouh. Sur le dernier, elle dit pain au chocolat. Pain au chocolat. C'est plusieurs mots, du coup. Effectivement. Oui. T'as la boîte de jeu, mais pas complète. Ouais. Non, on reprend. Effectivement, t'as raison. Bah oui. Viennoiserie. Croissant. Au chocolat. Non. On fait revenir Glandu. Attention. On joue au jeu des 5 mots. Allez, là je suis revanchard, là. Glandu est de retour. Allez. Jamais 203, tu connais la règle. Arrête ça. Non, justement, il y a des contre-vérités. On va y arriver. Exactement, on va le prouver. L'exception qui confirme la règle. Pour la Nintendo Switch jeu, Julie, on joue au jeu des 5 mots. Allez. Côté. Bourse. Ah oui, non, vous n'étiez pas du tout. Julien a dit bord. Ah, les bords. Les côtés, et toi, les le côté, la côte en bourse. J'étais très business. Oui, bien sûr. J'achète, évidemment, j'achète. Très bien. Ouais. On y va. Vas-y. 4 mots. Rendez-vous. Amoureux. Oui. Bravo, Glandu. Trop fort. Allez, mais oui, Julie, c'était sûr, on était connectés. Et voilà, c'est gagné, Julie. Merci, Glandu, merci, les rois. Je suis trop contente. Alors, il restait 3 mots. Ouais. On les fait. Ressemblance. Similitude. Elle avait dit jumeaux. Ouais. Minute. Seconde. Ouais. Et enfin, viennoiserie. Croissant. Oh, voilà. Elle est où la chanson là? Quelle chanson? La chanson qui disait Glandu loser, je sais pas quoi là. Il hein y a plus là. Si vous voulez chanter Glandu winner, vous pouvez le faire. L'application Manu dans le système. Ouais, s'il vous plaît. On la diffusera pas. Je vous épargnerai la chanson, mais tout le cœur y est. Julie, bravo à toi. Tu repars avec la Nintendo Switch. On t'embrasse fort. Merci. Gros bisous à tous. Gros bisous. Le jeu des 5 mots revient demain à la même heure. Et dans 3 minutes, juste après Kenji, c'est mercredi, c'est le jour des enfants. Si vous avez moins de 12 ans, vous pouvez nous appeler au 0870 42 48 pour nous dire quelle est la personne la plus cool de votre famille. Dans 3 minutes sur Énergie. Depuis qu'on est des mômes, mon ami l'on a ramé. Maintenant qu'on est des hommes, les rames je veux ranger. Si te viennent des larmes, viens donc me les donner. Les gitans, les gitanes, c'est pour ça qu'on est fait. Diago, j'ai pris le temps de t'écrire une mélodie en mille sourires. Diago, j'ai mis le temps pour le dire. Mais mon ami, je suis là pour le pire. Aussi de moi, dans 20 ans tu verras, on en rigolera. Si ça part en bagarre, on jouera quatre mains. Les gitans, les gitanes, Dieu nous donne à des points. Diago, j'ai pris le temps de t'écrire une mélodie en mille sourires. Diago, j'ai mis le temps pour le dire. Mais mon ami, je suis là pour le pire. Mon ami Diago, mon ami, mon ami, mon ami Diago, mon ami, mon ami, mon ami Diago, Diago. La copine qui part, mais ne reviendra pas. C'est du temps pour se voir, oui, pour qu'on parle de toi. Si ton cœur est en panne, apporte-le dans l'heure. Les gitans, les gitanes, on est bon bricoleur. Diago, j'ai pris le temps de t'écrire une mélodie en mille sourires. Diago, j'ai mis le temps pour le dire. Mais mon ami Diago, Diago, j'ai pris le temps de t'écrire une mélodie en mille sourires. Diago, j'ai mis le temps pour le dire. Mais mon ami, je suis là pour le dire. Diago, 7h46, bienvenue sur Énergie. Dans 20 minutes, même pas, à 8h05, on va doubler votre salaire pour la deuxième fois de la matinée. On va écouter Calvin Harris. Et avant ça, c'est mercredi, c'est le jour des enfants. 0 870 42 48. Quelle est la personne la plus cool de votre famille? On a Zoé avec nous au téléphone. Bonjour Zoé. Salut mamie, salut maman. Salut. Zoé, quel âge tu as? Zoé? Oui. Je demandais juste quel âge tu as, pardon, c'est une question un peu indiscrète, je sais. J'ai 8 ans. T'as 8 ans. Zoé, quelle est la personne la plus cool de ta famille? La personne la plus cool de ma famille, c'est mon parent Jean-Marie, parce que avant, il est à la retraite maintenant, hein, mais avant, il tenait une boutique de déguisement. Et en fait, salut, j'ai plein de déguisements, en fait. Oh la chance. Il te les filait gratos ou tu devais les payer? Gratos. Déguisement gratos, ça sympa. C'est génial. Le rêve, quoi. Sympa. Ah bah, ouais. Aujourd'hui, il adore se déguiser. Ah encore. Ouais, je suis jaloux de toi, Zoé. Et moi, j'ai enfin compris quel âge tu avais. 8 ans, l'âge de Zoé. Merci de nous avoir appelé, Zoé, on t'embrasse fort. Corentin, bonjour. Bonjour les wawas. Bienvenue sur Énergie, Corentin. Tu as quel âge? 11 ans. Et du haut de tes 11 ans, quelle est pour toi la personne la plus cool de ta famille? C'est mon oncle parce qu'il fait de l'aïkido. Oh, l'aïkido, c'est l'art martial. Ouais. Oh là là. Avec l'aïkido, c'est un art martial avec un énorme bâton, là, tu tapes sur la tête. Autodéfense, quoi. Avec un bâton, à un moment, c'est bizarre dans la rue. Ouais. Mais, et pourquoi il est cool? Parce qu'en fait, quand il montre quelques défenses, et du coup, il crie et il me fait rigoler. Et comme il crie comme Bruce Lee. Ah oui. Oh là là. Okay. Donc en fait, il est pas cool parce qu'il sait faire des arts martiaux, il est cool parce qu'il est cool parce qu'il est un peu grotesque. Ouais, c'est, ça. C'est ça. Il est pas très bon, il a tout mis dans les cris en fait. Ouais, c'est ça. Il crie et il s'enfuit. Merci de nous avoir appelé Corentin. Anaïs, bonjour. Bonjour tout le monde. Bienvenue sur Énergie. Anaïs, tu as quel âge? J'ai 10 ans. C'est mercredi, c'est le jour des enfants. Dis-moi, quelle est la personne la plus cool de ta famille? La personne la plus cool de ma famille, c'est ma tante. Parce qu'elle m'offre de l'argent pour mon anniversaire. Du coup, on va faire du shopping. Et en plus, on a les mêmes goûts vestimentaires. Wow. Vous avez les mêmes goûts vestimentaires. Elle a quel âge, ta tante? Elle a eu 30 ans. À 30 ans, elle s'habille donc en Reine des Neiges. Pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Oui. Merci de nous avoir appelé, Anaïs. On a le temps de prendre Baptiste. Bonjour Baptiste. Bonjour Manu. Bienvenue sur Énergie Baptiste, tu as quel âge? 8 ans. 8 ans. À 8 ans. Pour toi Baptiste, quelle est la personne la plus cool de ta famille? C'est mon tonton Johnny parce qu'il ne fait que des grimaces et il met tout le temps ses fesses. Ouf. Ah oui. J'ai bien entendu ce que j'ai entendu. Tonton Johnny parce qu'il fait des grimaces et il monte tout le temps ses fesses. Oui, c'est ça. Mais au repas de Noël, par exemple, il va montrer ses fesses. Non, non. Ah, on rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Mais alors, pourquoi tonton Johnny il monte ses fesses? C'est parce qu'il veut faire rire la famille? Oui. Mais c'est d'accord. Mais c'est étrange, hein. Oui, c'est ça. Comme jeu. Et il a une vanne et il la fait à chaque repas. Quoi. Ouais, c'est cool. Tonton Johnny, c'est celui, vous savez, quand on part en colo, qui va à l'arrière du bus et qui monte ses fesses aux automobilistes. Ouais. C'est lui. J'espère juste qu'il fait pas ça au boulot, quoi. Faire rire les collègues. Hey, les gars. Tu sais, Baptiste, c'est dans moins d'un mois. Prépare-toi, tu vas voir les fesses de tonton, donc à Noël. Hein. C'est ça. Ça va être tellement sympa au repas de Noël. Attends, non, la blague de Johnny. Merci de nous avoir appelé, Baptiste. On t'embrasse fort. Merci. Belle journée. 7h50. Calvin Harris sur NRJ. À 8h05, on double votre salaire pour la deuxième fois de la matinée. Bienvenue. À 8h05, on va doubler votre salaire. Vous vous inscrivez, n'hésitez pas, c'est gratuit, je vous le rappelle. Energie.fr, Manu dans le 69.com ou sur l'application Manu dans le 69 directement. Mm-hmm. On va écouter Vita et Sliban et avant ça, quelques études. Oui. Ah ouais, il y a plein de gens qui font des études, il faut qu'on en parle. Bah ouais. Ça évite d'acheter Sciences et Vie. En plus, nos études, elles sont pas dans Sciences et Vie. Isabelle, quand t'es tombée enceinte, est-ce que t'as annoncé ta grossesse de manière originale à ton mec? Non. En tu t'en cas, souviens plus, c'est ça le problème. Si. En fait, j'ai accouché trois fois, tu sais. Alors, je vais prendre la dernière fois. Sur la plage, un truc super romantique, genre Shabadabada. Voilà. Ah oui, ah oui, ça, tu l'as bien décrit. En Normandie. Ouais. Non, parce que je vais vite, mais voilà. Oui, bah, on a compris. Bon, Shabadabada, ok. Ouais. J'ai la réponse à cette grande question. Ouais. Quand et comment annoncer un bébé? Oh, ah, vas-y. Ah. Selon une étude américaine,

valable sur le lot de deux pizzas Sodebo, jambon emmental ou quatre fromages, dont une offerte. Transformée en France, 940 grammes, soit 2,61 euros le kilo. Pour votre santé, bougez plus. Chérie, on va chez Ikea s'acheter un sapin de Noël. Tu veux le mettre où? Parce qu'on en a déjà un dans le salon, un dans la chambre, un dans la cuisine. Et la salle de bain? Ah bah oui. En plus, il ira super bien avec le miroir qu'on va pouvoir s'offrir. C'est sûr, une offre pareille, ça donne des idées. En ce moment, chez Ikea, pour tout achat d'un sapin Nordman à 24,99 euros, recevez un bon d'achat de 20 euros. De quoi vous faire plaisir pour les fêtes. Ikea. Dans la limite des stocks disponibles, voire conditions sur ikea.fr. En novembre, il y avait cette reprise de 4000 euros de tout ce qui roule pour l'achat d'une Opel Corsa, avec climatisation, radio CD Bluetooth et régulateur de vitesse. Pourquoi j'y aurais cru? Je veux dire, la mort d'Elvis, j'y ai pas cru, le monsieur sur la lune, j'y ai pas cru. Alors une reprise de 4000 euros, le complot quoi. Et puis l'offre est passée, et depuis, j'ai honte quoi. C'est pourtant vrai. Pendant les German Days, journée allemande jusqu'au 30 novembre, Opel vous reprend tout ce qui roule 4000 euros minimum pour l'achat d'une Corsa neuve en stock. Offre non cumulable réservée aux particuliers, conditions sur opel.fr. Manu dans le 6-9. 6h, 9h30. Sur Énergie. On est à l'heure, il est 8h. Bravo, c'est louche. Qu'on amène le coq. On va doubler votre salaire juste après les infos et on va écouter Vita et Slimane. Toute l'actu avec Jean-Charles Gaucher. Salut Manu, bonjour à tous. C'est assez simple. Ce mercredi, la France est coupée en deux. Des nuages, de la pluie, voire de fortes pluies en soirée pour la moitié nord. Du ciel bleu, beaucoup de soleil au sud. Ce sera sans doute un petit peu moins humide tout de même demain et après-demain avant de se dégrader à nouveau ce week-end. Les températures ne bougent pas. Cet après-midi, on aura 10 degrés à Aurillac, 12 à Bayeux, jusqu'à 14 pour Toulon dans le sud-est. Un geste sur le carburant, quelques baisses de taxes. Les annonces d'Emmanuel Macron n'ont pas convaincu les gilets jaunes apparemment hier. Deux de leurs représentants étaient reçus au ministère de l'écologie dans la soirée. Et à la sortie, ils ont appelé une nouvelle fois à manifester samedi prochain sur les Champs-Elysées pour dénoncer la vie chère. Le programme sera chargé donc ce week-end au niveau social. Après l'UNEF, la FAGE, elle aussi, le syndicat le plus représenté dans les facs françaises, appelle à manifester. La manifestation dans la capitale, mais aussi partout dans le pays. Les représentants dénoncent l'explosion des frais d'inscription à l'université pour les étrangers, annoncés récemment. À l'étage inférieur, l'UNEL l'appelle au blocage des lycées vendredi contre le manque de moyens. Et une petite révolution dans le domaine de la prévention, mieux vaut tard que jamais. À partir du 10 décembre, les préservatifs seront remboursés par la Sécu. Et il suffira donc de se présenter à la pharmacie avec une ordonnance de son médecin pour retirer des capotes. 1,30€ la boîte de 6 prise en charge à 60% par l'assurance maladie. Le salon du livre jeunesse s'ouvre aujourd'hui en banlieue parisienne. L'occasion de faire le point sur les habitudes de lecture des enfants mais aussi des ados. Les ventes représentent environ 28% du marché de la littérature en France. Entre 10 et 12 ans, par exemple, ce sont les BD qui restent de loin les plus populaires. Cette année, on retrouve d'ailleurs deux BD dans le top 3 des plus gros cartons, avec notamment le dernier Astérix. Du sport, du foot, l'OL est passé tout près de l'exploit. Lyon a mené deux fois contre Manchester City hier en Ligue des Champions. Au final, les deux équipes se sont quittées sur un bon de partout. Tout se jouera donc en Ukraine dans deux semaines pour les Lyonnais face à Donetsk. Et il leur suffit d'un match nul pour se qualifier en 8e. Ce soir, Paris devra à tout prix s'imposer contre Liverpool pour rester maître de son destin. Le coup d'envoi sera donné à 21h avec Neymar et Mbappé de retour de blessure et donc titulaires en principe au Parc des Princes. Des idées plein la tête, toujours très créatif dans ses chansons ou ses clips. Coldplay s'apprête à lancer un nouveau projet. Le groupe change en fait de nom et devient Los Unidades, le temps d'un mini-album qui sortira vendredi. Un disque pour la bonne cause, puisque les bénéfices seront reversés à des associations qui luttent contre la pauvreté et pour l'égalité entre les sexes. Le premier single Hilo, enregistré avec Pharrell Williams, est déjà disponible. Et puis un petit peu de cinéma aussi aujourd'hui, les sorties principales comme chaque mercredi. Un film énergie, Robin des Bois, nouveau remake sur Le Prince des Voleurs avec Taron Egerton, Jamie Foxx et Jamie Dornan. Et puis il y a aussi Sauver ou Périr, Pierre Ninet métamorphosé dans le rôle d'un pompier. C'est la fin de ce flash, il est 8h03. Bon mercredi, c'est le 28 novembre sur Énergie. Bonne journée. Dans moins de 10 minutes, retour des concons du jour, des gens improbables qui font des choses improbables. Vous vous dites que votre journée démarre mal, elle démarre bien mieux que celle des gens dont je vais vous raconter les histoires. Ouais. C'est les concours du jour, ça arrive après Vita et Slimane. Dans quelques secondes, on va doubler votre salaire, peut-être vous. On va appeler en direct. C'est peut-être chez vous que ça va sonner si vous êtes inscrit sur energie.fr ou manudans69.com. Avant ça, Noël arrive et avec Noël, le repas de Noël. Oui. Selon un sondage, dans un repas de Noël sur trois, il y aura au moins une personne avec des restrictions alimentaires. Ah ouais, c'est relou. Les plus communes dans les restrictions alimentaires, c'est l'intolérance au lactose, des problèmes avec le gluten, les végétariens et les gens qui ont des allergies. Ouais. Oui, mais au moins ces gens-là, ils prendront pas de poids. Noël, ils mangeront moins que les autres. Tu peux prendre autre chose avec si t'es pas allergique. Si t'as toutes les intolérances effectivement, là tu perds du poids. Mais tu perds du poids dangereusement. Tu ne manges rien. Tu perds la vie limite. Bon, cadeau de Noël économisé. Non, mais je sais pas quoi répondre à tout ça. Moi, il y a un moment. C'était pas là où je voulais aller. Désolé. Oui, mais c'est jamais là où tu veux aller, Paulette. C'est ça le vrai problème, c'est qu'il n'y a que toi qui sais où tu veux aller, mais même toi, je ne sais pas pourquoi systématiquement tu vas à la falaise. 8h05, on va doubler votre salaire. Manu dans le 6-9, tous les matins sur Énergie. Manu double votre salaire. Énergie.fr, Manu dans le 6-9.com ou l'application Manu dans le 6-9, il suffit de vous inscrire. C'est gratuit, je vous le rappelle, et c'est ce qu'a fait Thomas. Il habite Nice, il a 28 ans et il touche 1 766 € chaque mois. Thomas, on t'appelle maintenant pour te doubler ton salaire. Ah. Allô ? Allô Thomas ? Oui ? C'est Thomas de Nice ? C'est ça ? Bonjour. Bonjour. J'ai une question à te poser. Oui ? Quel est le seul animateur radio qui double ton salaire ? C'est Manu sur Énergie ! Thomas, je te l'annonce, ton salaire de 1 766 €, je vais le doubler, ça va faire 3 532 € pour toi. Merci. Je t'en prie. Ça n'arrive pas qu'aux autres, tu t'en es aperçu, et voilà, bingo, ce matin c'est toi. Tu es jardinier. C'est ça. Jardinier dans quoi, pourquoi, dans un grand parc, raconte-nous. Je suis jardinier dans une grande villa sur Saint-Jean-Cap-Ferrat, c'est l'ancienne villa des Rolling Stones. Oh la classe! Attends, ancienne villa des Rolling Stones, ils vivaient tous dedans? Ils vivaient tous dedans, ils ont enregistré un album et c'est devenu un peu un lieu de pèlerinage pour les fans et tout. Wow. Mais, et toi, t'es jardinier dans. C'est-à-dire que ton métier, c'est une villa, mais ça veut dire que le jardin, il est énorme! Ah oui, il fait plus de 10 hectares et tout, il y a salle de cinéma, plage privée. Et tu l'utilises un peu les. Parce que je me dis toujours, dans ces villas, toi, tu y bosses, mais tu utilises des trucs des fois? J'aimerais bien, mais malheureusement, j'ai pas le droit. Genre, tu peux pas arriver dans la salle de cinéma, t'asseoir un moment, tu fais un selfie, genre, Mick Jagger, je suis chez toi. Un truc comme non, ça, quoi. Malheureusement, ça... je peux pas. Et en tant que jardinier, Thomas, t'es libre sur la taille des arbres ou t'as des consignes que tu dois respecter ? Je suis libre, mais après, comme le propriétaire est pas souvent là, je peux faire un peu ce que je veux. C'est génial. Ah ouais. Ouais, tu peux genre faire un arbre en forme de zizi, quoi. Ah ouais. Je peux, mais une fois. C'est énorme ce qui vient de se passer. Quel est l'intérêt en fait de faire Nico dit tu peux faire un arbre en taille de zizi. Et Glandu, avec un grand sourire figé, fait ah ouais. Voilà, si un jour j'ai une villa, je demanderai un arbre en forme de zizi. Ah non. Juste pour le délire. Ouais, bien sûr, pour le délire. Oui, c'est drôle. C'est bien les gens qui viennent en famille voir la villa des Rolling Stones. Alors là, Mick Jagger donc, prenait son bain. Là, il regardait des films de cinéma. Là, il y a une bite. On continue la visite, s'il vous plaît. Non, c'est bien. Thomas, on te double ton salaire, 3 532 €. Ça arrive très vite pour toi. Merci beaucoup. Et puis en plus, on est bien là, c'est vraiment l'heure où les mamans accompagnent les enfants, les papas accompagnent aussi les enfants à l'école. Démerdez-vous maintenant pour leur expliquer. Thomas, bravo à toi, on te donne ton salaire. 3 532 €, ça arrive très vite pour toi. Merci. Ça peut vous arriver vous aussi, énergie.fr ou Manu dans le 6-9.com. Et les concours du jour, c'est dans 3 minutes sur Énergie. Je ne sais pas faire, j'ai beau mentir, tout me ramène à toi. Je ne sais pas faire quand t'es pas là. Je ne sais pas faire, j'ai beau sourire quand on parle de toi. Je ne sais pas faire quand t'es pas là. Je n'ai plus rien à perdre, rien à gagner. Je n'ai plus de peine, plus rien à pleurer. Rien c'est déjà trop, tout me semble faux. Quand t'es pas là, ça ne compte pas. Quand t'es pas là, toi, là où les mots font s'aimer les âmes, si tu l'entends, ça, je te pardonne. Quand t'es pas là, toi, là où les autres ont le cœur qui colle, si tu le veux, prends, je te le donne. Je te le donne, donne, donne, je te le donne, donne, donne, je te le donne, donne, donne, je te le donne. Je te le donne, donne, donne, je te le donne, donne, donne, je te le donne, donne, donne, je te le donne. J'ai le spleen de toi, de tes yeux, sans un signe, plus rien de nous deux. Je reste digne même si ça fait mal quand t'es pas là. Quand t'es pas là, toi, là où les mots font s'aimer les âmes, si tu l'entends, ça, je te pardonne. Quand t'es pas là, toi, là où les autres ont le cœur qui colle, si tu le veux, prends, je te le donne. J'ai beau mentir, tout me ramène à toi. Je ne sais pas faire quand t'es pas là. Je ne sais pas faire. J'ai beau sourire quand on parle de toi. Je ne sais pas. Quand t'es pas là, toi, là où les mots font s'aimer les âmes, si tu l'entends, ça, je te pardonne. Quand t'es pas là, toi, là où les autres ont le cœur qui cogne, si tu le veux. On va s'écouter DJ Snake. Ça arrive pour vous dans 3 minutes. Et nous allons parler de vie de couple dans 10 minutes. Ah. Des choses qui se disent ou qui ne se disent pas en couple. Ah, on va apprendre des choses. Non. Ah, si on apprenait des choses dans notre émission, franchement, ah, le directeur me l'aurait dit. Hein. Ah, d'accord. Avant ça, voici les concons du jour. Des gens improbables qui font des choses improbables. Voici trois histoires de gens qui vont vous faire penser que oui, votre vie en fait elle est belle. On démarre en Floride, la police reçoit un appel d'un voisin qui entend dans l'appartement d'à côté un couple crier « C'est mon arme, donne-la-moi !» Oh. Ils entendent aussi « S'il te plaît, ne me tue pas !» Donc, il appelle la police ouais. débarque, il fracasse la porte, il rentre et ouais. il tombe sur un couple, pas du tout en danger, mais complètement à fond sur le jeu vidéo Call of Duty. Mais non, oh non. Oui. Ah ouais, merde. Et les policiers, du coup, leur ont juste demandé de faire moins de bruit. Ouais, ouais. Ah ouais. Voilà. Peut-être un peu too much, quoi, sur les jeux vidéo, du coup. On n'est jamais too much sur un jeu vidéo. Un peu, non, non. Non, non, non. D'accord. Deuxième concours du jour, ça se passe à Saint-Maur-des-Fossés, c'est en France. Une demandeuse d'emploi a reçu hier de Pôle emploi une proposition pour devenir conductrice de train parce que la SNCF recrute. Ah, ouais. On peut se dire génial. Ouais. Sauf que la demandeuse est non-voyante. Mais non. Oui. Oh, les gars. Alors c'est pourtant écrit, hein. C'est, ah, oui. c'est écrit. Ah, ouais. Cette personne ouais. est aveugle. Ils lui ont quand même proposé de devenir conductrice de train. Waouh. Et le petit souci en plus, c'est que c'est pas la première fois que ça arrive. Il y a quelques semaines, Pôle Emploi lui a proposé un poste d'agent de sécurité avec un chien. Non. C'est bien. T'imagines si elle se dit allez tiens, je relève le défi. C'est compliqué. Hein. Dernier concours du jour. Il est où mon dernier concours du jour? Il est où? Il est tellement concon qu'il s'est perdu. J'avais un concon du jour. Attendez, bougez pas. Bougez pas, je l'ai. Ah oui, voilà, ça y est, pardon. Ça se voit qu'on prépare pas de ouf, l'émission. Dans le Val-de-Marne, en France, 150 appartements d'une résidence vont devoir changer leur serrure. Ouais. La raison, c'est que la société chargée de les poser a mis en fait le même modèle de serrure sur toutes les portes. Mais c'est-à-dire qu'avec une clé, il était possible d'ouvrir les 150 portes. Oh non. Comment ils s'en sont aperçus? C'est même pas la société qui s'en est rendu compte. C'est un habitant qui devait arroser les plantes de la voisine. Il se trompe, il met la clé, sa propre clé, dans la serrure de la voisine. Ouais. Et il ouvre. Et merde. Mais non. C'est bizarre. Il réessaye avec sa clé, avec la clé de la voisine. Mm-hmm. C'est quand même bizarre. Du coup, il essaye d'ouvrir le voisin, ça ouvre aussi. Ouais. Il essaye avec l'aide de la voisine, ça ouvre aussi. Et tout le monde a commencé à essayer d'ouvrir les portes de tout le monde. Les 150 appartements peuvent être ouverts avec une seule clé. La société va tout changer à ses frais. Quelque part en France, il y a un mec qui avait un truc à faire. Voilà. Oui, il l'a pas fait. Et quelque part en France, il y a un voleur qui se dit si j'ai l'adresse. Oh là là. Non. 8h13, les concours du jour reviennent demain à la même heure. Manu. Manu et les wa. 6h, 9h30. Tous les matins sur Énergie. DJ Snake arrive dans 3 minutes. Music only. This is a primer jam. I see you walking with a hippie dance. Your neon skirt pants are turning ugly into Neverland. Yeah, it's smiling, taking my baseball cap. Préféré de Manu. Et maintenant, c'est Manu dans le 6-9 sur Énergie. Et il est de retour, Norbert Harrer. M6 l'a annoncé hier, il va animer tous les soirs une nouvelle émission à partir du 17 décembre, ça va s'appeler Le meilleur repas de Noël. Alors, le concept, trois binômes s'affrontent chaque jour pendant 40 minutes pour savoir qui prépare le meilleur repas de Noël. Ah ouais, ah. 40 minutes, j'ai même pas fini de déballer les trucs, moi. Bon. 8h17, nous allons parler de couple dans 3 minutes, juste après DJ Snake et Selena Gomez. Ce qu'on dit ou ce qu'on ne dit pas en couple. Il est 8h18, c'est Énergie. Bon réveil. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki taki, taki taki rumba. Prende los motores de Kawasaki. En la discoteca de Jenny llegaron los Anunnaki. No le va a él. Va. Oh, oh, oh, oh. touch it and tease it and squeeze it. Well, my piggyback is hungry, my nigga, you need to feed it. If the text ain't freaky, I don't wanna read it. And just to let you know, this Panani is undefeated. Ay, he said he really wanna see me more. I said we should have a date where at the Lamborghini store. I'm kinda scary, hard to read, I'm like a Ouija board. But I'm a boss, bitch, who you gonna leave me for? You got no class, you bitches is broke still. I be talking cash shit while I'm popping my gold grill. I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still. The love be so fake, but the hate be so real. Sobresale de mi traje, no traje panticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes. Dice que no quiere, pero se quiere comerle el equipaje. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki, taki, taki, taki, rumba. My body already know how to play. But work it, keep it tight every day. And I know you need a taste. Now, ooh, I'm falling in love. Give a little ooh, ooh, get it well done. Dance on my ooh, make a girl wanna run. We keep moving till the sun come up. We'll get high in the party. It's a fiesta. Blow out your candles, have a siesta. We can try, but don't know what can stop me. What my talkie-talkie wants, yeah, my talkie-talkie gives. Báilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki, taki, taki, taki, rumba. Bienvenue sur Energy, on va écouter Jérémy Frérot dans deux minutes et avant ça nous parlons de couple et de ce qu'on dit en couple ou de ce qu'on ne dit pas. 0-870-42-48, vous pouvez nous appeler. Allez, qui commence, Nico? Je suis chaud. Vas-y. Par exemple, si tu fouilles dans son portable, est-ce que tu le dis ou tu le dis pas ça? Alors, tu le fais pas. Ah ouais, déjà, premièrement. Ouais, ouais, moi j'ai déjà, j'avoue, cherché un peu quoi. Peut-être que là-bas c'est pas le faire. Après, si tu le fais, je pense pas qu'il faut le dire. Ah ouais? Ah non. Ah, mais alors, si tu fouilles dans les affaires des autres, tu le dis pas. Moi, quand je fouille dans les armoires chez les gens. Ouais, en plus. Oui, je le fais. Oui, oui, oui, c'est, vrai, c'est ça. Dans la salle de bain, j'ouvre toujours les armoires. Bon. Ouais. Après, je ne sors pas en disant, bah dis-moi Bernard, c'est quoi ce parfum de chipos là que t'as là? Ouais. Non, tu vois, ça ne se fait pas. Oui, mais après, si tu découvres qu'il y a un amant, t'es bien obligé de lui dire. Ah bah. Tu vois? Donc, si t'as fouillé dans le portable. Ah oui, si tu fouilles, tu découvres qu'elle a un amant, t'es obligé de lui dire. Non, parce qu'elle te dira. De rien tu vois, t'as fouillé. Elle te dira ça. Tu te feras engueuler. Ouais, c'est ça. Ah bah oui, elles sont assez fortes, les filles, pour ça. Hein. Okay. Non, mais ça va. De toute façon, moi, je suis sûre qu'il n'y a pas d'amant dans l'histoire. Donc, aucune raison de fouiller dans le portable. Ah, c'est vrai. On reste calme, tranquille, on fait confiance à l'autre. Il faut pas dire qu'on a fouillé, surtout parce qu'après, l'autre change le code. Merci. La voix de la raison, Paulette. Bien sûr, évidemment. Ça se dit ou ça se dit pas en couple, Glandu? Est-ce que ça se dit ou pas qu'on a parfois des petits plaisirs solitaires? Ouais, je sais que c'est... Alors honnête, c'est si tu te fais gauler. Oh. Ok, j'avoue. Ouais. Mais bon. Mais non, nous le dites pas, les garçons. Enfin. Attends, c'est bon pour les filles aussi. C'est bon pour les filles. Bah mais moi, je vous parle aux hommes, là. Je vous dis, nous le dites pas parce que moi, ça me fait douter. Après, je me dis que je fais pas assez bien le taf. Quoi. Moi, j'ai ma le taf. Ce qui est génial. Attends, et Paulette, t'attends une feuille de salaire aussi ou pas? Non. Ah, on est bien. Wow. Alexandra, bonjour. Bonjour tout le monde. Bienvenue. Salut. Sur Energy, Alexandra. Ça se dit ou pas en couple? Alors, est-ce que ça se dit ou pas quand ton chéri a une mauvaise haleine le matin et qu'il te fait des bisous? C'est vexant, mais je crois qu'il faut le dire. Oui, ah bon? Oui. Bah, tu le dis, tu sens pas très bon ce matin, ça veut pas dire que tu l'aimes pas, quoi. Oh, ouais, mais si tu lui dis tous les matins, à un moment donné, il va se dire, là, il y a un problème, quoi. Ouais, les matins, oui, bon, ouais, c'est compliqué. Ouais, c'est il peut rien y faire, le pauvre, quoi. C'est son état. Il y a un truc qui s'appelle la brosse à dents. Bah, ouais. Il faut qu'il se lève, il mette son réveil 10 minutes avant pour aller se laver les dents et revenir. Non, il pourrait faire ça par amour, quand même, non? Non, mais tu te réveilles à l'heure normale. Tu vas te brosser les dents et tu reviens faire un bisou. Ah, okay. Et ouais, je l'ai jamais fait. Hein. soyons honnêtes. Merci de nous avoir appelé, Alexandra. Raphaël, bonjour. Salut Manu, salut Liwan. Ça se dit ou pas en couple, on t'écoute. Eh ben écoute, est-ce que je peux lui dire en fait qu'elle a beaucoup de cernes? Oh là, malheureux, mais t'es pas bien tout, quoi. Ça va pas. Mais attends, mais tu sais quoi, quand tu lui dis tu as beaucoup de cernes, c'est ce que t'es en train de faire, ça.

Salut Manu, bonjour à tous. La météo simple et basique avec des nuages, de la pluie au nord, du soleil au sud. Il va pleuvoir assez fort d'ailleurs en début de soirée de la Bretagne jusqu'au Grand Est. Demain et vendredi, on devrait pouvoir profiter d'un léger mieux avant une nouvelle dégradation prévue pour ce week-end. Les températures restent assez stables. Cet après-midi, il fera 5 degrés à Belfort, comptez 9 à Laval jusqu'à 12 pour Montauban. Rendez-vous dans la rue, des gilets jaunes aux étudiants. Plusieurs appels à manifester ont été lancés hier pour la journée de samedi. Concernant le mouvement contre la vie chère, tout d'abord, les salariés et les retraités en colère veulent de nouveau se rassembler sur les Champs-Élysées à Paris. Et ce sera sans doute très compliqué après les incidents du week-end dernier. L'UNEF et la FAGE, deux des principaux syndicats étudiants, souhaitent eux pouvoir défiler dans tout le pays contre l'augmentation des frais d'inscription pour les étrangers. Le président a fait des propositions hier, quelques nouveautés, mais aussi une disparition. La consigne envisagée pour les applis communautaires de ne plus signaler certains contrôles routiers est finalement abandonné. Les utilisateurs de Waze et de Coyote vont donc pouvoir continuer à faire confiance à leur site préféré. Les vacances, les périodes de fête, ça ne sent jamais très bon pour les hôpitaux. Un nouvel appel au don de sang est lancé dans toute la France cette semaine. Ça ne prend que quelques minutes et vous pouvez sauver des vies. Vous retrouvez d'ailleurs la liste des points de collecte près de chez vous. Il y en a 10 000. Toutes les infos aussi sur dondesang.fr. Un grand match mais un nul au final à domicile pour Lyon hier en Ligue des Champions. Deux partout entre l'OL et Manchester City. Dommage pour des Lyonnais qui ont pourtant mené à deux reprises. Ils seront qualifiés en tout cas pour les huitièmes de finale s'ils ne perdent pas en Ukraine contre Donetsk dans deux semaines. Et puis on croise les doigts aussi pour le PSG évidemment. Ce soir, Paris reçoit Liverpool à 21h avec la quasi-obligation de gagner. Oubliez les collants verts, le prince des voleurs a du style dans Robin des Bois, signé aujourd'hui avec Énergie. Taron Egerton incarne le héros au grand cœur pour ce remake très moderne de la légende médiévale. L'acteur révélé dans Kingsman réalise surtout un rêve de gosse. Chez lui, il n'avait que deux déguisements qu'il ressortait toujours pour le carnaval. Robin des Bois et Superman, oui. Mais le costume qu'ils m'ont fait pour le film est bien plus cool que celui que j'avais gamin. C'est marrant de me dire que j'étais fan de ce personnage et qu'aujourd'hui, voilà, je suis Robin des Bois. Ça fait bientôt 3 ans que je me prépare à l'incarner à l'écran. Il fait partie de ma vie. Et à chaque fois que cette anecdote me revient, je réalise à quel point ce qui m'arrive est cool et incroyable. Voilà pour cette interview signée Bertrand L'Aiguillon, également au cinéma aujourd'hui, plusieurs autres sorties. On a par exemple le retour du Grinch avec la voix de Laurent Lafitte et puis aussi un conte de Noël, Casse-Noisette et les 4 royaumes. 8h36, c'est la fin de ce flash. On est le mercredi 28 novembre. Très bon réveil, très bonne matinée avec Manu dans 6-9 sur NRJ. Bonne journée. Vous connaissez tous le festival de Cannes. Eh ben, 3% des gens qui montent les marches à Cannes ont cette particularité. Ouais. 3% des gens que vous avez déjà vus monter les marches à Cannes avaient cette particularité. Elle est incroyable. Ouais. Ah, okay. Cette particularité, qu'est-ce que c'est? Eh ben, la réponse est dans 5 minutes, ce sera dans les sondages du matin, juste après The Prince Korma. Mais tout de suite, on a un beau cadeau à vous offrir. Mélanie, bonjour. Salut! Bienvenue sur Énergie Mélanie. Juste avant les infos, salut. Je vous ai posé une question difficile. Oui. Une question complexe. Je rappelle la question parce que tu peux réfléchir pour essayer de trouver la réponse encore une fois si tu penses ne pas avoir la bonne réponse. Je pense pas. Quel réseau social est représenté par un petit oiseau bleu? Cette question vaut 1000 euros. Waouh! Attention! Alors... Attends, Mélanie, prends ton temps. Ouais, ouais. Oui. Parce que ça arrive qu'on bafouille, on veut dire un mot, c'est un autre qui sort et tu vas le regretter. Quel réseau social est représenté par un petit oiseau bleu? Je pense que le réseau social, c'est Twitter. Twitter, bonne réponse. Ouais, Mélanie, grâce à cette question extrêmement compliquée, tu repars, Mélanie, avec 1000 euros et le jeu Best of Logo. C'est dans ce jeu-là que la question a été trouvée. Donc autant vous dire que j'ai c'est facile. J'ai pas gagné le jeu. Le jeu, il est pour toi. Allez, 1000 euros aussi. Oh, bravo à toi, Mélanie. Merci beaucoup. Gros bisous. Et c'est comme ça toute la semaine. Encore demain et encore vendredi, on vous offre 1000 euros et le jeu Best of Logo. Il suffit de répondre à des questions un petit peu complexes, j'avoue. On a pris les plus difficiles, hein, clairement. Dans 3 minutes. C'est les sondages du matin, juste après The Prince Karma sur Energy. What the hell do you mean I've gotta wait in line? This is complete and total bullshit. If I show you my tits, will you let me in? Sanchez. Bitches. Bitches. Bienvenue sur Énergie, il est 8h40. Les sondages du matin, c'est dans quelques secondes. Juste après, on va écouter Amir et on va parler de Noël. Parce que Noël, c'est bientôt. Il y a les cadeaux de Noël. Ouais. Oui. Et vous avez peut-être déjà tapé pour savoir le cadeau pour quelqu'un sur Google. Qu'est-ce qu'il faut acheter pour cette personne? Qu'est-ce qu'il ne faut pas acheter? Ouais. J'ai tapé sur Google. Qu'est-ce qu'il ne faut pas acheter à une femme? D'accord. Ok. Alors j'ai la liste. Oh là, ouais. Oui. Je la garde de côté. Ouais. C'est bien. Vous pouvez nous appeler au 0870 42 48. Quelque part, c'est aider les hommes en faisant ça. Dites-nous ce qu'il ne faut pas vous acheter. Voilà. Quel est le cadeau qu'il ne faut pas vous offrir pour Noël? 0870 42 48. Vous pouvez nous appeler. Juste avant ça, voici comme chaque jour pour vous les sondages du matin. Ah, yes. Ouais. En moyenne, une femme a 9 paires de chaussures qui ont cette particularité. Quelle particularité? Elles sont trop petites. Elles sont pas trop petites. Elles ont une semelle compensée pour paraître plus grande. Non. Elles les aiment pas? Elles les aiment pas. Peut-être. Ah, peut-être. Okay. Ça a peut-être un rapport. Ça a un rapport avec la forme ou pas du tout de la chaussure? Rien à voir avec la forme. Ah. C'est quelque chose d'improbable pour vous, les hommes? Improbable, oui, mais maintenant on est habitué. Hein. Elles les ont mis une fois et après elles les portent plus? Même pas. Elles ne sont jamais portées. Mais non. Mais non. En moyenne, une femme a 9 paires de chaussures qu'elle n'a jamais portées. Parce qu'une chaussure, ça peut être comme une œuvre d'art, tu vois. Juste tu la poses et tu la regardes. Et tu sais que tu la mettras pas, mais c'est juste joli, tu la laisses dans le salon. Non, mais attends, il y a une différence. C'est qu'une œuvre d'art, personne ne le met au pied. Ouais. C'est vrai, Manu, j'avais pas pensé. Bah, je sais. Ouais. 3% des gens qui montent les marches à Cannes ont cette particularité. Elle est incroyable, cette particularité. Enfin, elle est géniale. Ils n'ont pas d'accréditation, ils ont réussi à gruger. Non, mais ils n'ont pas quelque chose. Ah. Ah, qu'est-ce qu'ils n'ont pas? Ils n'ont pas le droit d'être là. Si, ils ont le droit. Ouais. C'est, oui. C'est quelque chose qui se passe quand ils montent les marches. Hein. Oui, quand ils montent les gens qui montent les marches. D'accord. Ont cette particularité. Ouais. 3% des gens qui ont monté les marches à Cannes avaient cette particularité. Ah, ils ont genre pas de costume ou un truc comme ça, ils montent en jean t-shirt quoi. C'est pas ça. Non. C'est vestimentaire. Oui, c'est vestimentaire. Ils ont pas de chaussures. Si, ils ont des chaussures. Ils ont pas de culottes. Ils ne portent pas de sous-vêtements. Ah ouais, on l'a déjà vu. 3% des gens qui montent les marches à Cannes ne portent pas de sous-vêtements. On l'a déjà vu. On a déjà vu des photos. C'est de vu qu'elles ont des robes très serrées, effectivement, elles n'ont pas de sous-vêtements, pas qu'on voit dessous. Tu vois Glandu l'intérêt qu'il a pour le festival de Cannes. C'est pas les films, lui. Il tape festival de Cannes. C'est bon, le festival est terminé. Non, il vient de commencer. Non, c'est terminé pour moi. Ils ont monté les marches, là, c'est réglé. Dernier sondage du matin. Chaque année, 1500 personnes dans le monde se blessent à l'œil avec ça. Avec quoi? Une boisson chaude? Non, c'est quelque chose d'improbable. Une boisson chaude, c'est beaucoup de monde. C'est homme-femme confondu ou c'est réservé aux femmes? Homme-femme. Ah, c'est un truc qui se mange ou pas? Tu peux en manger un petit peu, je crois, mais c'est pas fait du tout pour ça, quoi. C'est, ah d'accord. Voilà. On s'en sert tous les jours ? Oui, normalement oui. Une fourchette, genre tu rates la bouche. Oh non, non, non, c'est pas, mais c'est un peu improbable. 1500 ouais. personnes dans le monde, c'est pas beaucoup. Hein. Ouais. Par an. Tu t'en sers il se blesse avec ça, pardon. Tu t'en sers partout ou pas, ou juste à la maison? Tu peux à la maison et à l'hôtel aussi, par exemple, ou chez les amis. C'est dans la salle de bain à la maison? Oui, c'est dans la salle de bain. Avec ta brosse à dents? Si c'est pas la brosse à dents, c'est le dentifrice. Chaque année, 1500 personnes dans le monde se blessent à l'œil avec le dentifrice. C'est chelou. Quand ils appuient sur le tube et le dentifrice leur gicle dans l'œil. J'imagine. C'est ou alors bizarre. Ils savent pas s'en servir. Ils croient que c'est pour nettoyer les yeux. Ouais. Je sais pas. C'est assez improbable. Ah ouais, t'arrives aux urgences pour ça, c'est nul, quoi. Tu le dis pas. Quoi. Oui, mais enfin, le médecin va pas dire non, je soigne pas. T'es nul. Toi, t'es vraiment trop con. Tu t'es blessé avec du dentifrice. Ah non, ici c'est un hôpital. Classe! On soigne pas les blessures nulles! Amir sur Énergie, tout de suite, et juste après, on parle des cadeaux de Noël à ne pas faire aux femmes. Je veux que tes galères deviennent les miennes. Je veux que tu me balances au visage tes orages, tes peines, pour des nuits diluviennes. Je veux qu'on s'apprenne. Je veux partager tes joies, tes migraines. Ton corps me donne le vertige et tes mains me mènent où rien ne nous gêne. Je pourrais me tatouer notre histoire sur le bras, me mettre dans de beaux draps si t'es avec moi. C'est toi dans ce monde fou, je le sais, c'est tout. Et je voudrais que ça dure longtemps, user ma peau sur la tienne. Un jour j'oublierai tout jusqu'à mon nom. Je saurai simplement que t'es là, que t'es belle, que t'es mienne. Je voudrais que ça dure 100 ans, que jamais la raison n'atteigne cet aveu, cette envie de rêver tous les deux quand même, jusqu'à ce qu'un jour nos deux yeux s'éteignent. T'es mon sourire et ma carte chance. Je veux qu'on déconne, qu'on décolle, qu'on délire, qu'on danse jusqu'au dernier silence. J'irai dans la rue si t'as besoin d'un toit. Je pourrais vivre nu pour que t'aies un peu moins froid. C'est toi dans ce monde de fou, je le sais, c'est tout. Et je voudrais que ça dure longtemps, que jamais cette envie de rêver tous les deux quand même, jusqu'à ce qu'un jour nos deux yeux s'éteignent. Et je voudrais que ça dure longtemps, user ma peau sur la tienne. Un jour j'oublierai tout jusqu'à mon nom. Je saurai simplement que t'es là, que t'es belle, que t'es mienne. Je voudrais que ça dure, que jamais la raison n'atteigne cet aveu, cette envie de rêver tous les deux quand même, jusqu'à ce qu'un jour nos deux yeux s'éteignent. 8h47, bienvenue sur Énergie. Il y a Drake qui arrive pour vous dans 3 minutes, mais avant ça, nous allons tenter de répondre à une question qui va intéresser tout le monde, les femmes et les hommes. La question est la suivante: qu'est-ce qu'il ne faut pas offrir à Noël à une femme? Ouais. Voilà. Vas-y. Qu'est-ce que vous ne voulez vraiment pas? Ouais. Est-ce qu'on vous a déjà offert quelque chose et vous avez dit ah non, ça c'est une erreur, bonhomme? Google peut répondre à cette question. Alors ouais. les trois cadeaux vraiment à ne pas offrir qui arrivent en haut de la liste, il y a aspirateur. Ah bah oui. Oh bah. Le message est quand même pas funky. Hein. Ouais. Ensuite, il y a des adhésions à des programmes d'amincissement genre Weight Watchers. C'est dur. C'est pas cool. Horrible. Ah non, c'est pas bien. Et alors, ensuite dans la liste, il y a aussi la lingerie. Ne pas offrir de lingerie. Ah bon? Oh, ouais, apparemment, vous n'aimez pas qu'on vous offre de lingerie parce que voilà, ça peut faire passer un message. Okay. Bon, moi, je peux passer un message, j'adore. D'accord, ok. Bah, écoute, fais-toi plaisir. On a Johanna avec nous au téléphone. Bonjour, Johanna. Salut Manu, salut toute l'équipe. Salut. Johanna, est-ce que ton homme t'a déjà offert de la lingerie? Oui. Et t'as aimé? Ben oui, mais moi j'apprécie, ouais. Moi je trouve ça fun. Moi j'aime bien. Est-ce qu'il t'a déjà offert un truc d'adhésion genre Weight Watcher? Non, non, ça va, Maline se porte très bien, je te remercie. Et ben c'est pour ça qu'il t'a offert de la lingerie. Voilà. Tout est logique. Ouais. Évidemment. Merci de nous avoir appelé, Johanna. Paulette. Moi, j'avoue, j'avais été traumatisée par un ex qui m'avait offert des fleurs à Noël, des roses, et je déteste ça. Et il m'en offrait tout le temps en plus. Ouais. Comment ça, il t'offrait tout le temps? Il t'offrait tout le temps des roses? Il m'offrait tout le temps des roses rouges, je déteste ça. Mais c'est ton mec? C'était mon ex, ouais. Et, mais pourquoi il t'offrait tout le temps des roses rouges si tu détestes ça? Bah parce qu'il oubliait à chaque fois que j'aimais pas. Ah. À chaque fois, je lui disais j'aime pas, il me dit ah, mais c'est vrai. Et c'est-à-dire qu'il était en l'air quand même, là, beaucoup, là. C'est... Ou alors il m'écoutait pas du tout. Et un jour, t'as ouvert la porte, il était avec une autre nana, il fait ah, oh, j'ai oublié que j'étais maquée. Ah, mais non. Les cadeaux qu'il ne faut surtout pas offrir aux femmes à Noël, c'est important de le savoir. On a Laure avec nous. Bonjour Laure. Oui, bonjour, bonjour Manu, bonjour les Wouin. Bienvenue sur Énergie, Laure. Quel est le cadeau que tu ne veux vraiment pas recevoir à Noël? Alors, moi, j'aimerais pas du tout avoir un épilateur. Ah oui, c'est pas vrai. Ah, ouais. Message, pareil. Ouais. Ah non, c'est pas sympa. Alors, c'est pas drôle. Je trouve ça nul, nul, nul. Mais, ouais. Mais du coup, parce que tu ne veux pas t'épiler ou bien parce que c'est bon, tu as tout ce qu'il faut? Ah non, j'ai déjà tout ce qu'il faut et puis c'est nul comme cadeau. Ouais. Je vais chez l'esthéticienne en plus. Ah oui, bah, oui. Et si on t'offre un bon pour l'esthéticienne? Ah bon, ça c'est mieux. Voilà. Tu vois, on trouve un terrain d'entente tous les deux. Alors. C'est mieux, mais le message c'est genre t'as un peu les jambes qui piquent quoi. Mais, c'est un peu poilu quand même. Mais le problème en gros c'est que tous les cadeaux que vous aimez pas en fait c'est parce que ça envoie un message qui est j'ai un pote qui avait fait un truc. Au départ ça partait d'un bon sentiment. Ouais. Il avait offert un tapis roulant à sa femme. Un tapis roulant. Un tapis de course. Pour le sport, là. Un tapis de course. Ça coûte une blinde en plus. Et ça coûte super cher. Ouais. Il lui a. Enfin, le bon coin. Ah oui, parce que. Non, mais les tapis roulants, tapis de course, forcément, tu l'achètes et au bout de 2 mois, tu fais je m'en sers pas, donc tu le revends sur le bon coin. Ouais, c'est ça. Ils en produisent plus, les tapis de course, c'est fini. Hein. Ah ouais, ça s'auto aussi. Oui, ça, tu peux même retomber sur le même des années après. Hein. Et ben il avait voulu faire ça, et ben elle avait été vexée. Voilà. Tu m'étonnes. Mais oui, mais au départ, c'est un truc sympa, on fait du sport, quoi. Oui. C'est pas évident. Hein. Oui, puis c'est voyant, si tu l'as dans le salon, tu vois, les amis qui viennent, tu dis c'est mon mec qui m'a offert ça pour que je cours. Tu vois, ouais, effectivement. Bon, pour pas se planter, du coup, il faut dire tu veux quoi pour Noël? Et puis voilà quoi. Et ben voilà. Ok, bah posons la question. On a Lorraine qui est là. Bonjour Lorraine. Salut Manu, salut Wouin. Bienvenue sur Énergie Lorraine. Posons la question. Qu'est-ce que tu veux pour Noël? Ouais, moi, pour ce que je veux pour Noël, déjà, c'est un beau bijou. Pour moi, c'est le meilleur cadeau. Et voilà. C'est le problème. Alors que, c'est le problème, c'est que j'avais un aspirateur en promo, là. Ah non, justement. C'est tout qu'à pas faire. On t'embrasse, Sorène. Merci de nous avoir appelé. Merci à toi, salut. Gros bisous. 8h51, Drake sur Énergie. À 9h10, c'est les infos de Glandu, l'homme qui donne des réponses aux questions que personne ne se pose. On est avec vous pour démarrer la journée. And I need you, and I'm down for you always. KB, do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you, and I need you, and I'm down for you always. Look, the new me is really still the real me. I swear you gotta feel me before they try and kill me. They gotta make some choices, they running out of options. Cause I've been going off, and they don't know when it's stopping. And when you get the top, and I see that you've been learning. And when I take you shopping, you spend it like you earned it. And when you popped off on your ex, he deserved it. I thought you would've won from the jump, that confirmed it. Track money, Benny. I buy you champagne, but you love some Henny. From the block like you Jenny. I know you special, girl, cause I know too many. Risha, do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you, and I need you. And I'm down for you always. JT, do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you, and I need you, and I'm down for you always. Two bad bitches and we kissing in a wave. Kissing, kissing in a wave, kissing, kissing in a wave. I need that black card in the cold to the safe. Cold to the safe, cold, cold to the safe. I show them how to network. Fuck that Netflix and chill, what's your network? Cause I want you, and I need you, and I'm down for you always. And I'm down for y'all always. Yeah. And I'm down for y'all. Down for y'all. Down for y'all always. I got a new boy and a nigga Trey. Kiki, do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you and I need you. And I'm down for y'all always. KB, do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you and I'm.